Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 4 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. Alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 98, Alex Galipo, le numéro 31, JF Mallette. Et ben, je vais me nommer moi-même. Et le numéro 115, votre animateur. JF Crow, je checkais. Dave Tex. Non, je checkais pas pendant tout. J'étais pas attentif. T'es pas attentif. Dave fait pas, il était inattentif. Fait que ouais. La soirée Dave, du podcast. Dave est malade. Dave est magané. Dave est magané. Nous sommes à une émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. On vous en parle avec passion et boisson, bien sûr. Des sujets chauds couverts par des gauchos. Oui. En studio. Ouais, on est venu en studio. De retour. Puis on va jouer en désavantage numérique. Ce soir, il manque deux personnes. Puis d'ailleurs, on a eu des commentaires. Il manque une personne. Mais il en manque deux parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit il est où Alex Crompe? Pourquoi il est jamais là? T'es occupé. On sait pas. Là, il y a des rumeurs. Ça a l'air qu'il serait peut-être en retraite fermée à Glendale. Oh. Il fait son pèlerinage, peut-être. Il cherche la voie de Plekanec. Il cherche la peinte de lait. Voilà. Oui. Puis il y a Mark qui n'est pas là à soir. C'est dans le fond, il cherche le Milky Way. La Milky Way. Ben ouais, puis il manque Mark ce soir. Mark qui a été knock-out par les Probert. Ouais. On devrait partager la photo qu'ils ont envoyée sur Facebook. Ouais, Mark. Il faut pas ça. Mais ouais, Mark, je pense que c'était son plus grand rêve dans la vie, de toute façon, de se faire knocker par Probert. Ah oui, ça aurait été fait dans le live de la soirée du podcast. On va parler de live, mais on va aller faire l'avant-match avant ça. Je veux juste qu'on fasse un petit retour sur notre épisode 3, notre fameux live, épisode 50, chez Arcade Montréal. Ouais. T'as bien plaisant tout ça? Bien agréable. Ça a quand t'étais là-bas. Ça a brassé beaucoup, beaucoup pas mal. Il y a eu beaucoup de bière sur la table. Du Qu'est-ce sang aussi. Un cœur. On s'entendait pas à voir ça. Ouais. Puis ouais. Un cœur de marde. On a eu des réactions, disons-le, mitigées par rapport à cet épisode-là. Le monde live ont tous trippé. Il y a du monde en audio qui ont moins aimé parce que c'était un peu cacophonique. Ouais, mais là. Bon, c'est ce que mais en même temps, je l'ai écouté par après pour voir que ça avait l'air. T'sais, c'est sûr que c'est pas pareil comme en studio, mais c'est moins pire que ce que j'avais l'impression que c'était. Parce que là-bas, on s'entendait pas, man. Avec l'arcade puis le monde, Puis on n'avait pas adapté le show non plus à un format. On allait là pour genre avec le monde, puis on l'a fait vraiment pour le monde qui était là-bas, puis de l'avoir en audio. Fait que c'est votre faute, vous avez juste à venir. C'est ça. c'est le genre d'affaire que tu fallait être là, pour comprendre. Mais tu sais, j'ai vu une couple de podcasts là-bas, puis c'est souvent ce qui arrive. Le monde essaie de faire leur podcast de studio devant public, puis ça marche pas nécessairement. Il faut que tu modifies 100%. Un peu. Mais tu sais, shout out à bien du monde qui sont venus. Mathieu Gélina qui est venu sur stage, qui a pris le gros doigt, qui a touché le cœur de Patio qui était sur la table. Merci Mathieu. Bonin. Les deux gars de Divan Quest qui sont venus de Joliette pour nous voir. Ça, c'était cool. Ouais. Des bons Jack. Yep. Des bons Jack, du monde qui sont venus faire les manettes en quête avec nous par après. Mm-hmm. Ben du fun avec Guillaume. C'était cool. Nos invités qu'on remercie beaucoup d'être là. C'était vraiment cool pour vrai. Puis ça se peut qu'on leur fasse. Si on leur fait, on va peut-être s'adapter un peu. On va peut-être utiser une formule un peu différente. Là. Mais tu sais, il fallait le faire. Ça va donner ce que ça va donner. C'est même si on essaie, peut-être. C'est la première fois. Sur ça, on vous invite à venir nous voir au Geekfest, par exemple. Venez en grand nombre. Ça devrait être moins bruyant qu'à l'arcade. C'est le 5 novembre prochain. Nous autres, on va être là à 15h10, si je me souviens bien. Après le souper. Après ça, on va tous souper ensemble. On va sortir. Fait que venez le voir. Venez voir l'Arcade Montréal. Je suis la gueule, l'Arcade Montréal. Venez pas le gueule avec nous autres de 3 à 4 pendant notre podcast. Après ça, on va boire, on va manger, on va à l'arcade. On se ramène chaud. Les Probert ce soir-là. Ben oui, juste pour l'occasion. Puis on revient tout en Uber. Ouais, c'est ça, exactement. juste dire, Jeff, tes mallettes updates, ça continue toujours sur notre Facebook et notre YouTube? Ouais, j'essaie d'en faire au moins un par semaine. Et puis, dans le fond, je résume l'actualité. Il y a bien des choses qui se passent au début de la saison. J'essaie d'écouter ton dernier, c'était 12 minutes. moment donné. Bah, ça dure à peu près. C'est chier. En jasant, ça va durer 15 minutes. C'est parce qu'il est arrivé quelque chose. Je t'arrête de l'écouter, puis je trouvais ça cool pour elle. Puis il y a des quoi qui t'arrivent. T'avais fini d'aller aux toilettes. Ouais, c'est ça. Fallait couper l'épisode. Fallait genre trop de. C'est comme un Reader's Digest que je fais. Je m'y suis le cul, mais c'est ça. C'est un Viewer's Digest. Dans le fond, tu vlogs un peu. T'es rendu un vlogueur YouTube. Ouais, c'est ça. Je résume les actualités du Canadien. Des fois, je me laisse emporter quand il y a de la musique de fond qui joue en arrière. C'était très bien produit cette semaine, d'ailleurs. C'était très ouais, tout ça fait à mitaine. Suivez ça quand on fait pas de podcast. Il y a GF qui donne ses commentaires quand même en vidéo. C'est tout le temps très intéressant. Puis sinon, ben, il y a les mallettes enquêtes aussi qui se poursuivent. Tous des produits Young Media. Tout, comme, voilà. Comme toi, d'ailleurs. J'ai copyrighté le nom mallette. Ouais, c'est ça, mallette. Ça appartient à la soirée à Young Media. Ouais, GF Mallette, c'est you're doomed. C'est produit Young Media. Ouais, tu peux plus utiliser ton vrai nom à part non. Que c'était ça. Non, c'est ça. Puis je voulais dire un gros merci à Mike Ward, tu nous écoutes, puis Yann Thériault qui nous ont plugué lors d'un des derniers épisodes de Mike Ward. Ouais. À la fin, il suggère des podcasts. Ah. Puis il dit que le son est bon. J'espère que le son est bon ce soir. Je regarde les waves, ça m'a l'air quand même correct. Là. Ah, leur son il est bon, là. Ça coûte bien. Ça coûte bien, c'est bon. C'est comme 110%. Ouais, mais meilleur. Mais mieux. Mais mieux, tu sais, un vrai podcast, là, pas un faux podcast qui reprend des vieux noms ouais. D'émissions de défunt de DQS. Là, ouais. Pour parler dans un franglais louche avec un code de poêle pour se prendre comme souvent. Ils ont le nom. Ils ont le nom. Ah, ils ont le nom. On leur souhaite bonne chance. Ils ont le nom et ils ont le backing aussi. On leur souhaite bonne chance, eux et leurs 65 000 auditeurs. De leur page Facebook. 65 000. Je pense que c'est même plus que ça. C'est ridicule. Ouais, il y a beaucoup de monde. Des fucking potins. Ils vont chercher. Ils vont chercher pour les potins. Plus large. Ben là, c'est parce que tu sais, le monde. C'est du potin. Tu vas chercher de la petite poule qui veut genre avoir son information sur les joueurs de hockey. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Surtout. Il y a un autre. Il y a un autre auditoire. Il y a un autre. Pas un autre auditoire, mais il y a un autre genre. C'est un autre public. Ouais, public. C'est pas notre démographique. C'est comme je disais dans le chat tantôt. C'est comme le monde qui vont dire moi, je suis un grand amateur puis fan de cinéma. Mais je prends mes infos sur Entertainment Tonight. Là. C'est ce qu'elle me dit. Ah, moi, je suis un gros fan de hockey, mais je lis 25 cette année. Ta gueule, t'es pas un fan de hockey, t'es un fan de gossip et de potin. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un public pour eux autres. Tant mais mieux. Tant mieux pour eux autres. Tant mieux. Encore. Mais les vrais 110%, c'est ici que ça se passe, ben par exemple. Les vrais débats ouais, de hockey ça. Et non de blabla de gossip. Là. Yeah. À part quand Jeff a des informations du gars qui pose la tuile. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est exclusif. On connaît les entrepreneurs. T'es exclusif. On connaît les entrepreneurs. On a les contacts dans la construction. Ouais. On connaît les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Ils ont travaillé chez Geekmind. C'est une bonne personne. Chez qui? Je sais pas, il y a un article dans le cahier des affaires cette semaine, mais bon, je vous en jaserai plus tard. Okay. On va commencer officiellement la première période parce que enfin. La saison est enfin finalement commencée. Yeah! One game! Une game, puis on va vous en parler pendant 20 minutes. Comme c'était la saison. Là, on sait où ce Canadien s'en va. Puis là, on va chialer pendant 20 minutes pour dire que la saison va être de la merde sur une game. Et voilà. Fait que, on gagne la Coupe Stanley. Donc, passons à la deuxième période. Les extraits audio, non? On fait pas nos plus et nos moins là, pour la game d'hier. Ah, on peut le faire. Tour de table, nos plus, d'abord. Qui avez-vous aimé hier? Moi, j'ai aimé Montoya. Ouais, pour vrai, fait la bon job. Choix. Pas pour deuxième, pour de vrai. Il a fait la job. Puis le forecheck du Canadien, c'est un backup qui va nous amener de l'expérience au moins. C'est pas un backup à Condon, c'est rien contre Condon, mais c'était sa première année dans les nationales. Le gars, au début, Condon, les 10 premières games, t'es cœur. Hein? Mais il était bon. C'est quand la confiance est tombée que ça. Après ça, mais là, attends, je suis pas sûr que si Montoya goulait une saison complète, non plus, on serait dans même. Ben, peut-être moins épais, on serait peut-être moins épais, mais je pense pas qu'on ferait série. Ou en tout cas, on se battrait à la dernière minute pour essayer des faire. J'ai bien aimé ça. Le Condon a bien joué, mais à part la deuxième période. Là, que tout le deuxième trio, on voyait plus. Ouais. Le quatrième trio, deuxième? Ouais. Deuxième trio, deuxième période, il était effacé complètement. Plecky, man. Wow. Mon moins. Ouais. Ouais, man. Je l'ai pas aimé, man. Il était pourri. Je l'ai même pas vu. Ben, justement. C'est ça qui arrive. Si. Ouais, c'est vrai, on n'a pas un bet, toi, pis moi, à officialiser à ça. Ouais, pas ton bet, c'est ça. I know. C'est ton bet en plus. C'est mon bet. Va le prendre, ton bet, pis c'est le tien. Ouais. On se met ça à deux, genre, 40$. Garde. Allons de bet. C'est quoi votre bet, là? Allez-vous le prendre? Non, ouais, moi, le parent, dans le fond, c'est je baisse encore. Moi, je prends toujours les bets risqués, tu sais. Je vais prendre le risque tout sur moi. Alex, c'est un high roller. Fait que je vais dire après... que le bet, c'est honnêtement, que Plecky va faire 55 points cette année, puis c'est 20$. Personnellement, moi, je trouve que le bet cette année est plus risqué pour Mallette. Je sais pas, l'année passée, il a fait 54. Ouais, mais d'après moi, l'autre année d'avant, 60. Le bet, c'était que Galchenyuk ferait plus de points que Plekanec. J'ai gagné à cause de la dernière game. C'était serré. C'était toute une dernière game, en tout cas. Non, l'année passée, il était fair, mais cette année, en tout cas. Ouais, c'est vrai que Plekanec. Ça dépend. Ça va pas en montant. Non. Il n'y a pas eu beaucoup de saisons. Fait que ouais. Le bet, c'est ça. Fait que GF décide de l'accepter. Puis c'était 20 piastres. Ouais, c'est fiable. Fait que 54 points, Marge faisait à 10, puis il chickened out. Marge, je suis pas gambler. Ben, moi non plus, je suis pas gambler. Mais je gamblerais même pas genre 2 piastres. Je m'en calais. Ça n'a pas rapport avec le montant. Ça a rapport avec je suis pas gambler. Je m'en calais. Ça m'intéresse pas. C'est le fun. C'est comme compétition à l'interne. C'est comme Barney dans That's a Mini. Dans Met Your Mother, quand il ramasse, genre, c'est quoi son premier bet? Genre, c'est comme justement genre. Un dollar. Un dollar. Un free dollar. Il capote puis il devient fou, là. Genre. Il freak parce qu'il y a un free dollar. J'ai rien fait, puis tu me donnes une pièce. Waouh! Mais ouais, fait que la bête, c'est ça. Fait que on va voir à la fin de l'année. Ben, c'est mon moins, man. Ouais, mais on qui, man. C'est pas on donne un plus. Ouais, c'est ça. Malheureusement, sur les autres. Dave, c'est pas le plan de match. C'est un genre de piqué souvent. Il reste les deux GF. Là. Ben, ouais. Mais attends. Ben, moi, dans le fond. Ton plus, il n'y a pas dit son plus. J'ai pas dit mon plus, non. Ouais. Non. Commencez par son moins. Okay. J'ai bien aimé Gallagher. Moi, j'irais que. Ouais, Gallagher, deux buts hier. Moi, j'ai bien aimé Andrew Shaw. Ouais, aussi. Encore, Chris, sa première game, il était intense. Le monde a capoté à la fin. Il a fait le croc en jambe, tout ça. Fait que même que ça disait qu'il serait suspendu, finalement, il n'y a rien. Mais son but, là, c'est parce qu'il a travaillé en tabarnak pour l'avoir. Ouais. Tu verras pas Pacho faire ça. Ben non, Pacho, c'est mou comme la merde. Hey, il y avait quoi, Sty, 4-5 gars devant le net là, quand Shaw s'est pris deux fois pour la mettre dedans? Ouais, mais il était avec. Pour la mettre dedans. Ça a sorti bizarre. Ça. Pour la mettre dedans. Ouais, j'allais bien gros. Par là. Exemple, Gallagher. Gally. Parce que le petit guerrier, genre, il deux buts. Premier game. Son premier but de loin. Il est là. Il joue tout le temps pareil. On a une bonne saison, mauvaise saison. Tu sais ce que tu vas avoir avec Gallagher. C'est ça. Mais je donne mon plus pour ça. Tu sais, Jeff parlait de Shaw, là j'ai vu c'est quoi une peste pour vrai là. On s'ostinait dans le chat. Gallagher, Gallagher puis Shaw, c'est pas le même genre de, non. De joueur. Non, mais il est en avant du net comme Gallagher, le style de jeu se ressemble, le style de joueur est complètement différent. Il joue une game sensiblement c'est un petit Chris à la Max Lapierre plus que Gallagher. Avec plus de punch et tout, genre. Parce que lui, il va dropper. Mais Lapierre, genre, c'était une guinée, là. Ouais, c'est il droppait. Il droppait Lapierre. À la fin, il droppait parce qu'il voulait garder sa job. Ben, c'est ça. Il n'a pas droppé tant que. C'était pas un bâtard. Il est encore dans la Ligue nationale. Shaw, il va dropper s'il y a besoin de dropper. Mais non, Shaw, je suis gaffe. Il va pas dropper en malade, mais s'il a besoin de se défendre, il est là et il est capable. Ben, c'est là que j'ai hâte d'avoir. Comme demain contre Ottawa, ça a été cohérent de voir Shaw. Là. Ottawa, tu sais, il y a une rivalité quand moi, même. Moi, honnêtement, Shaw, demain, là, je le mettrais sur le trio de Pajot. Ça, Pajot. Tu dis contre le trio de Pajot, dans le fond? Ouais, le petit Pajot. Petit Pajot. Faut lui donner une correction. Ouais, je le corrigerais, le petit. Mais vous voyez, hier, il a déclenché une pénalité, Shaw. Il y avait un arrêt de jeu, puis ouais. C'est genre, il s'est laissé glisser sur quelqu'un, puis le gars, il a juste repoussé. Ouais. Le gars, il y a une pénalité à cause de ça. Ben c'est ça, c'est ça. Une perte de mort. Il rentre dans la tête du monde. L'autre, il donne ça d'un crash check de fou. Là. Relax, dude. Ah, c'est ça. Juste puis, parce qu'il était là. Puis il y a du talking shit juste avant. Là, c'est clair. Emeline qui a ramassé Kane, là. Wow. Ben, ouais, j'ai regardé le coup, puis. Mais il l'a juste parce qu'il l'a poussé. Il l'a poussé, fait qu'il a perdu l'équilibre, fait qu'il a glissé dans la bande. Mais c'est pas de sa faute parce que le premier contact, c'était avec le bâton. Puis après ça, il l'a comme poussé pour le tasser. Mais ouais, c'est ça, mais Kane avait de l'élan. Ah, il l'a pas poussé, genre comme. Ah, non, non, juste avec son bras. Il s'est pas fléchi, là. Il a juste comme tassé. Non, c'est légal. Non, c'est chien, mais c'est légal. Est-ce qu'on parle de la blessure à Kane, là? On peut garder pour la troisième. Non, ok, ben là, les mois, le plus. On va faire après. On a des vidéos de ça, mais on va faire nos plus et nos moins. Fait que là, les plus, on les a tous dit, je pense. Fait qu'on peut faire le tour pour les moins. Moi, je le donne à Pacho. Ben, moi, j'ai Maker. Pacho, moi aussi. Ben, c'est pour vrai, peut-être qu'on met un peu trop focus dessus, comme disait tantôt. Là, on sait qu'il est sous la loupe. Mais, tu sais, hier et tout, il était mou, man. Et Plaqué aussi, hier. Ouais, ben, les deux. Plaqué était mou. Mais en troisième, le trio allait bien. Mais tu vois vraiment que c'est Radulov, Plekkonen qui roule la patate. Man, Plaqué, là, on le voit pas. On le voit pas, la POC. C'est vrai qu'on le voit pas quand ces deux-là sont là. Tu sais, c'est pas lui qui va se démarquer maintenant. Est-ce qu'il serait intimidé? Pourtant, c'est Radu? Un tabarnak de passeur, pareil. Là, Plekkonen, ouais, mais Radu, ça prend soin. Ouais, mais Radu, on peut pas y enlever son talent. Le gars, c'est un Chris de bon passeur. C'est ça. Puis Chris, Radu, puis Lekkonen, mon gars, la chimie, ça marchait. Puis on dirait que Les autres, ils ont dit, nous autres, on va jouer ensemble. Puis, ouais, on va pas poser de toi. Gagne la mise au jeu, pour ça qui donne-nous à POC, puis après ça, joue en défensive. T'sais. C'est ça, mais Plekanec, il c'est pas le patineur qui va tout le temps genre bouger ses jambes. Il est plus au slow. Il est bon pour arrêter le jeu puis sans la rondelle, mais pour le reste, il tirait de quoi? Arrête sans la rondelle. Non, c'est Plekanec, dans le fond, défensivement, je fais confiance encore. Là. Ouais, c'est un bon centre défensif. Ouais, c'est ça. On verra. On irresponsable, disons. Parce que tous les trios ont produit, sauf le sien, mais on verra demain ce ouais, que ça va donner. Lekkonen puis Radu ensemble, mais ça peut être pas pire. Je pense que ça va débloquer. On va en parler en deuxième de Radu qui a le couteau dans les dents, mais est-ce que Pacho peut être intimidé par Radu qui a le couteau dans les dents, justement? J'espère que non. Mais moi, honnêtement, là, ça peut-tu l'éteindre, ça, Pacho, d'être comme tabarnak? Il y a un gars bien plus intense que moi ici. Mais ils sont pas. Mais en plus, ils jouent même pas sur la même ligne. Fait que c'est comme, occupe toutes tes affaires, puis je vais m'occuper des miens. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas. Je pense que ça, justement, ça devrait te donner de la drive à la limite. Là, t'sais. Ben, tu sais, ça prend juste un but, puis ça peut peut-être changer l'allure de Pacho. Ou ça si peut-être, dans il un peut slump, peut-être taper ses nerfs aussi. Non, mais il n'y a pas quelqu'un, là, un journaliste qui avait dit que Radu, ça a l'air que c'était un hyperactif. C'est Darnell l'a dit, puis un journaliste. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, à un moment donné, on s'entend. Peut-être que, Chris, je sais pas, peut-être que Pacioretty, il est plus curé que Plekky, puis genre, ça le dérange, lui, il est hyperactif. C'est parce que si Pacio joue mal, parce que quelqu'un le dérange dans la chambre, là, il avait piqué, là, ça va être quelqu'un d'autre tabarnak. Ouais, c'est ça. Si tu joues mal quand t'aimes pas un joueur, ben, t'es peut-être pas le bon gars pour aider à la place. C'est ça, puis il devait naître une coupe avec les States, là. Ah ouais, ça avec les States, il est passé du premier trio au quatrième. Dans le fond, ça dégringole. Ouais, mais attends. Là. Ouais, mais man, les States, là. On parle de la Coupe du Monde. C'est Tortorella ouais. qui est coach. Tabarnak. Ouais, premièrement, Tortorella. Tortorella, il tape. Je comprends même pas comment ça, ce gars-là est encore coach de haut niveau. Non, pas de choix. First. Ouais. Deuxièmement. Ouais. Tout Team America USA était pourri, man. Je veux dire, ouais, il n'y a pas un de joueur choix. Qui a performé. Il y a une game qu'ils ont joué, c'est la première contre le Canada en match préliminaire. Ouais, c'est la première game. Ouais, c'est ça, c'est, la, reste c'est la seule game qu'ils ont joué. Puis j'ai l'impression qu'ils ont tout donné. Puis tout ce qu'ils voulaient, c'était arracher la tête à tout le monde. Ah, il frappe un tabarnak. Tu sais, fait à part ça, là. Fait que tu sais, je pense pas que c'est juste Pacho qui était le problème sur Team USA. Là, on est avec le Canadien, puis il devrait être genre comme. Ben, il est pas, il devrait. C'est notre leader, puis Chris, il devrait ouais, être. Il y a eu un bon tir. Up front, là. Il y a eu un bon tir hier que j'ai remarqué. Hey man, il y a eu un jeu à un moment donné là, préparé par Gallagher au début ouais, de la première période. Préparé par Gallagher et Galchenyuk. La passe, ouais. là, il a manqué son. Il a même pas de charondelle, man. Ouais, mais là, le tir. Mais là, peut-être qu'il a bondi. Même à ça. Mais je pense qu'on parle au début de la game. Ouais, il était clear. Il n'y avait pas personne autour de lui. On est beaucoup sur son cas aussi, quand même. Oui, oui. Ouais, mais là, attends. Puis on capote. On capote aussi, puis c'est. Hein? Pacho a 2 points hier. Ouais, mais il joue sur le bon trio. Il était avec Galchenyuk et Gallagher, tu sais. Non, c'est ça, mais tu sais, il fait sa part de points. Il fait des choses pareilles. Oui, là. Mais attends aussi, là, on capote puis on est à une fucking game. Ouais, mais faut pas que tu dises, on va dire ça tout l'épisode. Ben, c'est ça pareil. On va analyser. Mais c'est sûr ça, qu'on va chialer. On va se mettre un compteur de tu veux qu'on parle de quoi. Ça a bien été puis il était tout bon. C'est qu'on gagne ici. Bon, ben, on a fini le podcast. L'année passée, on avait Heller qu'on chialait dessus. Fait que cette année, ça va être Pacho la cible, mettons. Ah, Chris, Pacho, c'est pas Heller quand même. On va voir avec le temps. Non, mais il y a toujours un beau qui me sert à chaque année. Je pense que Pacho, il va. Ouais, mais je pense que Pacho, on va y mettre plus d'attention pour une seule et unique raison. C'est parce que c'est le capitaine. C'est juste pour ça l'année passée. C'est normal. Planté, fait qu'il y a de la pression cette année. C'est ça. Fait que tu mets tout le temps beaucoup plus de pression sur ton capitaine. C'est le capitaine, puis c'est une des raisons pourquoi Subban est parti, qu'on dit pas, mais qui est probablement ben, vrai. Probablement là, que oui. Là, ça, c'est le, pas lui, mais c'est... belle opération média là, que Subban, il sert Pacho ses bras, là, on s'en rappelle de ça, ouais. Ça. Ça met quand même le spotlight sur Pacho. Ouais. Un peu quand même. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on va plus le checker cette année. Ben oui, c'est sûr qu'il va être pas mal plus scruté, là. Excusez-moi. On verra bien. Je pensais que la cam était freezée. Je te voyais, Dave, en train de boire une bière, mais tu es en train de me parler. Je comprenais pas. je m'attends à moins que rien que Pacho fasse 30 buts cette année pareil. Fasse quoi? Il va faire son 30 buts cette année pareil. Faut qu'elle fasse plus que ça. C'est la paye saison, 30 buts. Ouais, moi, je pense que on devrait viser le 40. Là. ses bonnes saisons, c'était proche du 40. Man, moi, je veux qu'il se rapproche du 40 plus que 30. Je pense que c'est sa paye saison. Je pense pas qu'il va se rendre à 40 une autre fois. Ou proche. Honnêtement, là, je pense que le shot pour, il y a peut-être pas genre les couilles. Il n'y a pas la hargne, pas de chienne. On dirait qu'il veut pas. Je sais pas. Il manque de grip. C'est passé ça, Pacioretty. Il y a jamais c'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Non, non, mais c'est vrai. Je vois que je coupe le début de l'extrait et que je garde juste le bout sur Pacioretty. Ouais, ouais. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Il faut qu'il retrouve, dans le fond, la hang qu'il avait dans le temps qu'il jouait avec Eric Cole et David Dernay. Là, Pacioretty, il jouait comme Eric Cole. Il frappait et il faisait tout. Mais là, ouais, là, il a comme fait comme là, moi, je suis joueur numéro 1, je suis capitaine. Depuis qu'il a blessé le temps. Je vais rentrer des pucks. T'en souviens quand il est rentré dans le temps, puis il était suspendu 3 games, puis le temps, il y avait une commotion, puis c'était un hit sur la tête. On dirait que depuis ce temps-là, Pacio, il a changé. Il a changé, Pacio. C'est plus le même gars. Fuck you, Pacio. Là, bon, je pense qu'on a tous remarqué que Radu s'était calmé en deuxième période. Sa ligne au complet s'était calmée. Ouais, mais ça fait-tu peur, ça, pour Radu? Est-ce que c'est ce qu'on va voir? J'ai pas l'impression qu'il va. Petite parenthèse avant, là. Ouais. Pacioretty, là, 2011-2012, 33 buts. Après ça, 2012-2013, c'est la saison du lockout. Il y a eu 15 buts, quand même pas mauvais, en 44 games. 2013-2014, 39. 2014-2015, 37. Puis 2015-2016, 30. Fait que je pense qu'il est capable de se rapprocher plus du 40 que du 30. Là. Il devrait s'améliorer. Il n'y a pas 30 ans. Là. Il y a genre quoi, 26-27. C'est supposé être le meilleur scoreur. Là. Fait que, si c'est le meilleur scoreur, il a juste 30 buts. Là. C'est pas fort là, dans son équipe. Ben, il n'y a pas beaucoup de marqueurs à 30 buts dans la Ligue nationale aujourd'hui. Là. Ben, t'en as autant. Il n'y en a pas 20. Oui. Ben, t'en as quasiment un par équipe. Là. Facile. Pas sûr. Marqueur a 30 buts. Il n'y en a pas autant. Il n'y en a pas autant que c'était avant. Là. 30 buts pile, peut-être pas. 30 buts et plus. On mettons 27-28, pour moi, ça compte pas. Ouais, c'est ça. Pas, ben, moi, je pense que genre, quand tu te rapproches de justement 28 buts, 31-32, t'es comme dans une clique. Là. Parce que des marqueurs de 40 buts, là, l'année passée, je pense qu'il y en a eu peut-être un ou deux that's it. Là. Mais ça dépend tout le temps des saisons, en plus. C'est ça, mais... Chaque saison est différente, là. Ouais, c'est sûr, là, mais je pense pas que Pacio va se rapprocher. Moi, mais ça nous prend un 40 buts, ouais, moi, je veux ouais. qu'il se rapproche. Moi, j'en demande. Genre, pour un gars comme lui, je verrais genre, au moins 35 en montant. Oh oui. C'est ça qu'on souhaiterait, mais il faut savoir s'attendre que ce soit pas ça. Là. Pourquoi C'est à ça qu'on s'attend. Man. Je sais que tu t'attends à ça, mais il faut s'attendre. La belle direction du Canadien s'attend à ça. Tout le monde s'attend à ça. Je sais pas s'ils s'attendent à ça. C'est ça, mais oui, arrête. Le gars, c'est un one-trick pony, man. Ce gars-là, c'est un rider. Mais peut-être un peu meilleur all-around que Ryder, mais c'est un Ryder. C'est un shot, man. It's a fucking shot. C'est parce que, mettons, là, s'il reste... That's it. S'il reste toute l'année... Il y a comme son pattern, là. C'est ça, mais mettons qu'il reste toute l'année avec Chucky puis Gallagher, là. Chucky, ça va compter 30 buts cette année. Another bet on... Moi, je pense que c'est ça. T'sais, Chucky, ça va être genre un gars de 30. Bon, fait que là, tu viens de sortir un autre. On est rendu à deux gars de 30 buts. C'est ça. Non, mais parce que là, sont tous les mêmes. Il semblait Puis Gallagher, c'est 20-25 buts, là. Mais tu sais, il t'a bon, tout. On est rendu à. Non, mais en marque, en tabarnak, c'est tous tes gros potters sont sur la même ligne. Ça en donne. Tu sais, il va en avoir moins, là. Ça va être divisé en gars, là. Moi, je pense que Pacio, ça va être 30. Radula, vas-tu en compter proche de 30? J'aimerais ça qu'il en marque 20, genre au moins. Là. 20, c'est Chris, 5 millions, 20 buts. Ben, aujourd'hui, apparemment, c'est 20 à 25. Là. Moi, je dirais 25 en montant. Ouais. Ben, si c'est 25 en montant, 20 à 25 en montant, mais je serais surpris. Hey, 25 en 80 games, là, c'est quoi? C'est genre à peu près. Là, c'est un peu par 4 games. Mais t'as des séquences, par exemple, souvent. Un but par semaine. Mettons, ouais. C'est des séquences, de toute façon. Souvent, ils vont compter genre 2-3 buts genre d'affilée dans une coupe de games collées. J'ai assez hâte de voir. Puis après ça, ça stagne une coupe de games. C'est comme Austin Matthews. Là, il a compté 4 buts sa première game. Il ne comptera pas 4 à prochaine. Pas sûr qu'il va en faire 30 à la fin de l'année. C'est fou, ce gars. Non, 4 buts, là, le monde. À chaque game, 4 buts. ça 4 buts, puis les lignes, c'est pas du tout. Ça donne une affaire comme 200. Ça donne une affaire comme 200 quelques buts. Là. Ouais, j'ai vu ça sur Internet. tu scores 4 buts, puis les Leafs perdent quand même. Welcome to the Leafs. Welcome to the Leafs. Oui, c'est quand même. On est chiant, mais regarde. C'est ça. It's the life. It's the life. Hey, voulez-vous qu'on. T'as dit quelque chose? Non. Mais vu qu'on parle de la blessure des Evander Kane, là... On a des... Parce que là, entre les podcasts qu'on a fait ici, il s'est passé quelque chose là, dans le studio. On partage maintenant avec Rétro Nouveau. Donc, on a un moniteur télé, fait qu'on peut passer fourni des extraits. Fourni par Rétro Nouveau. on remercie les fans de Rétro Nouveau. Fait que je vais juste le changer sur le projecteur parce que je vais le mettre en vidéo. Fait que les gens à la maison vont pouvoir le voir. Puis nous autres aussi. Oh. Ça, c'est nous autres, par contre. Fait que ça, c'est la blessure à Kane. C'est ça, j'ai hâte de voir le petit bras. Mais il pousse. Il s'est laissé tomber. Non, il a perdu l'équilibre. Non, c'est ça, il a glissé. Ouais, tu vois vraiment le patin, il perd l'équilibre. Mais il rentre solide. Puis dans, comme Alex, là, je tiens à préciser que Mark, hier, sur le chat, il disait qu'il avait juste perdu son souffle. Ben, c'est ça que là, présentement, c'est ça qu'il y a. L'adrénaline. Taux de douleur. Non, présentement, dude, là, avec l'adrénaline, il a probablement même pas mal aux côtes encore. Non, arrête, là, il a perdu le souffle. Puis là, après avoir gagné son souffle, là, on il va l'envoyer dans l'autre. Il va le pousser, puis il perd l'équilibre. Là, il pousse. Ouais, c'est son talon, c'est son patin gauche. Con, hein. Son patin gauche, il est genre sur le talon puis il glisse. Mais c'est parce qu'il va taper dans le bas de la bande complètement où ça bouge pas du tout. Bang. Ouais, ça claque direct. Il est pas rentré de dos, il est rentré de côté avec son bras. La grimace qu'il fait, c'est de la douleur, c'est pas un souffle coupé, man. Tu vois, il y a cette phase de la mécanique, ça te coupe le souffle en tabarnak. Ça te rend des poumons, mon gars. Ça fait mal. Oui, t'as mal, mais t'as le souffle, mon gars. Tu le cherches, tu cherches ton air, c'est sûr et certain. Mais est-ce que tu te tords de douleur quand tu cherches ton air? Ben oui. Mais voyons, non. Tu as la tête souvent au carreton, t'as pas la tête, si la tête se tord. Ça dépend à quel niveau. On tourne la marche en arrière. Quand l'air passe plus pantoute, mon gars, tu la cherches en crise, tu te tortilles en esti. Quand je vomis, ça m'arrive. Tu paniques. Mais à lutte, j'ai déjà fait. Ça m'arrive souvent. J'avais fait un backflip de la 3, puis j'étais tombé le ventre sur l'épaule de quelqu'un, comme debout. Puis j'avais perdu le souffle complètement, mais j'étais parti backstage. J'avais pas eu mal, mais j'étais capable de. Tu paniques parce que c'est plus qu'à respirer. Parce qu'il y a plus d'air qui passe, mais je me tordais pas de douleur à terre. Mais là, lui, en plus, mélange des deux, c'est sûr. Les côtes plus perdent le souffle, mais. Tu tords pas de douleur de même, je perds le souffle. Sa blessure officielle, c'est quoi? Il y a des côtes brisées. Trois côtes fêlées. Mais en plus, ça fait plus mal quasiment, je pense. Tout se met des pétés. J'avoue que c'est ça cause son coude, il reste sur le bord. C'est son bras qui est rentré. C'est ça, il est rentré vraiment de côté. C'est ça. Ouais, puis il est pas petit non plus. Non, t'as 200 clés, puis il était full pin. Ah, il rentrait en tabarnak. Il était dans le tapis. Hey, en plus, en bas, là, dans la petite bande jaune. Là. Ouais, mais la petite bande jaune à terre. Là, c'est fiberglass. Ouais. La bouche va faire ça, ça va faire mal à table. C'est ça qui est toute la bande. Tout le forum. Le forum, tu sais. Hey, l'amphithéâtre tient sa petite bande jaune de fiberglass. Si t'enlèves cette bande-là, l'amphithéâtre s'écroule. Implosion. Toutes les bandes descendent sur la glace. C'est le même qui prépare les spectacles de rock d'ailleurs. Il enlève ça, puis là, toutes les bandes, ça en vient de sa gueule, puis ça fait le parterre. C'est le même que ça se fait, cette affaire-là. Ouais. Fait que Kane, il y a d'autres bandes qui se lèvent en dessous. Genre d'un rouge, mettons. Hey, je veux y aller à cette place-là, ça a l'air écoeur. Ça, c'est le genre d'amphithéâtre qui ferait dans les Simpsons. Yep. Pour Spinal Tap, genre. Spinal Tap. That's a good movie. C'est écoeurant, Spinal Tap. Il veut monter son volume à 11 à son speaker. Bon. Fait qu'il y a une game de jouer. Tu vois qu'on parle. Hey, j'essaie comme de faire du temps. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Et on n'a pas une game à parler pour ça. Là. C'est rare. Et ça arrive. Non, mais on peut parler des 25 livres perdus à Michel Therrien. Hein, qui, il a perdu 25 livres. Ouais, il boit plus sa sauce. Ça a l'air, mais j'ai dit comment il était gros. C'est pas ouais. Moi, j'ai remarqué Muller hier qui encourage les joueurs à chaque bon move. Moi, j'ai remarqué cool, ça. Moi, j'ai remarqué quand Sergachev venait au banc. Moi, je suis correct, le jeune. Sergachev, on pourrait parler de Sergachev pour finir. Ouais. Il est-tu prêt? Non, il est pas prêt. T'es pas prêt hier, j'espère qu'il va être prêt demain. Ils vont le bencher, fait qu'il va pouvoir avoir la game. Non, il benchera pas. Ouais, la prochaine game, il jouera pas. Puis tu reviens, je ne sais pas. Ben, c'est pas confirmé à 100%, mais Petrie, il va être prêt. Non, hey, Petrie, il a traîné aujourd'hui. D'ailleurs, Petrie, non, c'est confirmé. Ah, c'est fini. Ah, c'est confirmé. C'est confirmé. Petrie, il était teamé avec Markov aujourd'hui. Puis c'était Emlyn puis Patterin. Ça pourrait être. Mais le check-in line, si en défense. Ça va frapper. Ça bougera pas. Ça va frapper, mais j'aurais aimé ça voir un gars qui patine plus à troisième paire. Ouais, mais j'ai plus confiance en défensivement parlant, j'ai plus confiance en Patterin que Emlyn. Emlyn, il est pas fiable. Mais il fait des erreurs souvent. Hier, le pauvre Torrey Mitchell. Ouais, la POC, c'est très sa visière, une chance. POC, ça y est. POC, ça y est, un coup de genou, je sais pas. Un coup juste au bord de la tête. Est-ce une commotion, finalement? Non, mais il y a des points de sûr, je pense. Ah ouais, à cause du coup de genou? Ouais. Ça a dû faire, man. Ça a rentré en crise. Fucker. Mais, ouais, ça, Sergachev, j'ai par exemple, pour revenir à Sergachev, honnêtement, là, il était chanceux que ça ne lui ait pas coûté des buts. Oui, je suis d'accord. Il s'est fait sauver le cul, puis il se l'est sauvé lui-même une couple de fois. Mais, honnêtement, Le jeune, là, il a des beaux skills, par exemple. Ah, il n'est pas prêt, il est pas prêt, puis il a besoin genre, nerveux, de prendre la maturité. Je vais donner. C'est ça. C'est correct, mais il a des beaux skills. Ce gars-là, il a une passe, là, mon gars. Ah, là, ouais. Sa crise de palette, bref, sur le tape. Ah, des fois, gars, il va faire des astuces de jeu. Il faut juste qu'il adapte son jeu à l'île nationale. Il a essayé de faire une coupe de montée. Parce que c'est pas les meilleurs joueurs qui ont bloqué, qui ont vu qu'est-ce qu'il était pour faire. Tu sais, Gianto, là, il a anticipé souvent ses passes. Ben c'est pour ça qu'il faut qu'il faut qu'il s'adapte à la vitesse. Gelé par Yemlin, man. Ouais. Wow. Ah, Gio. On va en parler de Gio tantôt. Mais on va même parler de Sergachev. Tu sais, Sergachev aussi, ouais. Là, ce qui arrive, là, puis ce qui est le fun pour lui, c'est que Jean-Jacques Desgnaux, lui, a commencé dans NHL à 18 ans. Mm. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il doit être plus proche, puis il doit y parler, puis expliquer les affaires. Puis Bergevin, on l'oublie, là, mais il a commencé à 18 ans aussi dans NHL en tant que défenseur. Toute une carrière. Fait que Chris, il a fait 20 ans, c'était Bergevin, je pense. 18 ans, 4 Norris. Une barbe trois couleurs. Ouais. Ouais, lui, il a goûté à toutes les bières, à tous les steaks. Il a la barbe barbrée. Lui, il a même plus la flotte tire. Là. Regarde, quoi, le jeune, on va lui donner plus de games. La barbe napolitaine. Il va probablement prendre la place de soit Patrick ou Yemlin la prochaine game. Moi, je pense que Patrick va peut-être prendre le bord à la prochaine game. Qui? Il va jouer avec Yemlin. Ben pour la game contre Ottawa. À moins que Patrick en joue une maudite bonne. Patrick, moi, je le garderais sur la line. Man. Moi aussi, je le garderais sur la line, mais c'est parce que là, il est étiqueté comme étant, mettons, 6e, 7e moi, j'enlèverais Yemlin. Malheureusement. J'aimerais mieux voir Patterin, Sergachev que Emelin. Moi aussi, Sergachev. Je me demande des si ça switch va de bord, hein? Moi, c'est ça que je pensais. Mais là, attends, par exemple, parce que Emelin, il a joué quand même une crise de game. Il a joué une game à la Yemlin, puis s'il a joué tout le temps, ça serait différent. Il resterait peut-être, on l'aimerait peut-être plus. Ouais. Il a joué comme qu'il se pose. C'est juste que des fois, il n'est pas bien positionné, il fait des erreurs. Mais c'est parce qu'en défensive, il n'est pas super fiable. Il est là pour genre comme ramasser. Puis c'est ça qu'il a fait. Mais Patrick est capable de le faire, puis il est meilleur défensivement, fait que c'est un plus. Mais il ramasse peut-être un peu moins, mais il est plus constant peut-être. Ouais, ben, c'est parce que des fois, quand tu ramasses quelqu'un, tu prends un risque. C'est parce que les gars, la période est finie, là. Ah ouais, j'ai pas entendu de bip. Mais oui, fait demi-heure. Super pas, qu'est-ce que c'est? On voulait brûler 15 secondes, on a brûlé 15 minutes. Fait qu'on va aller faire une entraque, on vient en deuxième période avec des extraits de Terrien et Bergevin. Encore des extraits audio savoureux cette semaine. On est retour pour la deuxième période. Bonsoir. L'amour avec un grand A. Bonsoir. Non, c'est plus Hitchcock. Bonsoir. Bonsoir. Ladies and gentlemen. Bonsoir. Fait que là, on est rendu à la deuxième période, la période des extraits audio savoureux de Terrien et Bergevin. Oh mon Dieu. On en a un tabarnak. Ouais, on a j'ai pas hâte qu'ils partent ces deux-là parce qu'on va perdre une grosse partie du show. Le premier épisode, il va falloir attendre qu'il y ait une couple de games de jouer parce que ça, on n'aura rien à dire. On va commencer par un extrait de Terrien qu'on comprend absolument rien. De quoi qu'il parle, ce qu'il dit, c'est quoi son point. Fait que commentez, qu'est-ce que vous pensez qu'il dit. On écoute et on essaie de comprendre ce qu'il dit. Oh, je suis content. Je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Quand tu fais le pronostic d'un Pokémon, c'est quel genre de gars tu veux s'il vient disponible? Là, tu mets quasiment un check sur tout. Dans notre situation avec le Canadien de Montréal, tu mets quasiment un check sur tout sur Kirk Muller. What the fuck? Je pensais qu'il parlait d'un joueur tout le long. Puis là, il parle de Kirk Muller. Tu mets un check sur tout ce que je fais le pronostique. Carmelé, man, c'est savoureux. Juste le début, gars, là. Oh, je suis content. Je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Quand tu fais le pronostic d'un Pokémon, c'est quel genre de gars tu veux signer si, disponible? Hey, moi, quel gars tu veux signer s'il est disponible? Mais parle d'un coach. Signer de Muller. Non, s'il dit s'il est disponible. Ah, si bien. Okay. Mais avez-vous disponible? Faut juste qu'on parle. Je l'ai écouté une couple de fois. Au début. Comment qu'il est content? Ça n'a même pas de sens. Je qu'il a l'air heureux d'écouter ça. Oh, je suis content. Il était chaud à un tournoi de balle. Ça doit être sûrement ça qu'il fait quand ça doit être ça qu'il fait quand il vient, lui. Oh, je suis content. J'ai pensé à la même avant. Oh, je suis content. Je suis content. Attends, on va aller me fumer une clope. Asti. Fait qu'il y a notre bon ami Marc Bergevin, l'homme à la barbe napolitaine, qui est passé chez Ron Fournier. Oh, ouais. Pour une bonne entrevue. Si bon. Puis tu sais, Ron, parle mon Ron, puis let's go, ben il a parlé de plusieurs affaires, notre bon Marc. Ron, je t'écoute. Ah, je t'écoute, oui, non. Oui, Marc, oui. Non, oui, non. Bandé bien raide. Je l'aime, Ron. Ron est drôle. Ron, c'est un spectacle. Fait que premier truc que M. Bergevin parle avec Ron, c'est il parle de Lekkonen, le préféré à JF. Fait qu'on l'écoute sur Lekkonen. Moi, c'est certain que je le regarde de près. Puis j'ai vu des mèmes ce soir, des choses que j'aime beaucoup. La rondelle va être sur le bord de la bande, puis il va se retourner de bord pour protéger. Il va prendre c'est pas le hit, mais il va se donner du time and space pour faire le petit jeu. Okay. Puis ça se dégage pas en une chance de marquer, mais il fait les bonnes choses. Il met la rondelle aux bons endroits, puis il la protège bien. Endroits. Puis c'est ça que j'aime de lui. C'est certain que son tir, c'est un NHL, un ancien NHL, mais les petites choses qu'il fait, qu'il faut vraiment que tu portes attention pour les remarquer, c'est vraiment spécial. Puis moi, honnêtement, Ron, je sais pas si tu l'as rencontré, mais tu lui sais. C'est pas un gars de 6 pieds 6, mais tu lui serres la main. Là. Une bonne pote. Oh my God. Ah ouais, hein? Oh my God. Des vis. C'est oh my God. Tu vois, c'est un joueur de hockey. Lui, c'est un joueur de hockey. Il fait des petits détails. Il est tout le temps. Il est à bonne place. En bonne position. Il est intelligent des deux côtés de la patinoire. Moi, je l'adore. Bon, ça la rondelle. Il a vu des mèmes. Je sais pas. Au début, il dit ça. Il dit j'ai pas caché cette botte-là. Ouais, il dit. Armel, le début, il dit j'ai vu des mèmes. Moi, c'est certain que je le regarde de près. Puis j'ai vu des mèmes ce soir, des choses que j'aime beaucoup. Mèmes. Non, j'ai vu même des choses ce soir, mais j'ai vu des mèmes ce soir. Il a inversé ses mots. J'ai vu des mèmes. Des mèmes, j'ai vu des mèmes. Les deux ont la misère à parler en tabarnak. Tu sais, ça a l'air pénible. T'sais, on dirait que les mots. Hey, puis imagine, hein, c'était-tu important d'avoir un coach puis un DG francophone? Mais c'est en anglais et en français. C'est pénible, on dirait qu'ils sont pas capables de. Ouais, mais t'es rien pourri en français, mais en anglais aussi. Mais, Bergevin, il est quasiment moins payé. Ouais. En français, il cherche ses chums. Au téléphone, il ne doit pas être de même. Là. J'espère c'est quelque chose. Il a essayé de négocier un deal. Là, ouais, moi, je serais pas capable, je prendrais patience. Va s'acheter une télé. Dis à ta secrétaire qu'elle me rappelle. Tu sais quoi dire. Elle me rappelle. Je peux pas te parler. T'es trop demeuré. Il envoie des textos. Lekkonen, il fait des belles choses. Bon, on les voit pas. Il faut les voir. Il faut regarder vraiment en détail. C'est quoi. Il est bon. Faut que tu checkes vraiment comme il faut. Il est bon. Tu le vois pas, mais il est bon. Mais tu le sais pas. Tu sais pas qu'il est bon. Tu sais pas qu'il est bon, mais il est bon, Chris. Fais des choses que tu vois pas. Dans l'entrevue, c'est parce que Ron, il trouvait que Lekkonen n'était pas prêt pour NHL, fait que Bergevin, il a carrément dit que t'étais pire. Là, il a pas dit ça, là. Il a pas dit ça, mais il expliquait genre tellement pas clairement. Il a montré pourquoi que lui, il voyait, qu'est-ce qu'il voyait en ouais, c'est en ça, ce parce joueur, que là. Ce qui arrivait avec Ron, pour mettre le contexte... T'extrapoles bien, toi, Malette, j'aime ça. Ouais, parce que dans le fond, Ron, lui, il comprenait pas pourquoi qu'on lui a pas pris Udon à place de Lekkonen. Fait que là, il Bergevin, il a dit Québec, ça. Ici, c'était là, parce on que... On va en parler de Udon après. Ah, ben, mais Ron, il est bandé Udon parce qu'il parle français. Eh ouais, c'est un francophone. Il peut pas ce qu'il fait là. Deuxième extrait de... J'ai eu cette discussion-là à job l'autre fois. Wow. Vous êtes chicané. Non. Deuxième extrait de Bergevin, il va nous parler de Sergachev. Est-il prêt? Est-il pas prêt? C'est certain qu'il y a des lacunes. C'est certain qu'on ne regarde pas aujourd'hui le produit final, le joueur final, qui va avoir 22, 23 ans, c'est certain. Mais déjà là, tu remarques une maturité du jeune défenseur. Il fait des belles choses. Il y a quasiment une poise de vétéran. C'est certain qu'il y a des choses qu'il faut qu'il travaille. Je pense que pour aller chercher des rondelles, il est un peu... L'expression francophone, je la trouve pas, mais en anglais, c'est du casual. Au lieu d'aller plus vite, prendre la porte et la bouger, c'est certain que c'est des petits détails. Mais tu vois que son upside est vraiment haut, puis je trouve qu'il a très bien performé jusqu'à date. Il y a de la poise. Il y a de la poise. C'est quoi ça, de la poise? C'est poise, c'est en anglais. C'est un mot en anglais. It's grace. C'est comme. Poise. C'est dur à traduire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il les a en anglais. Il sait pas comment le dire en français. La stature. Ah, c'est comme ton entrain, genre ouais, ton engouement, ton aura. Comment que t'es? C'est qu'est-ce que tu dégages? Ouais, c'est genre. Fait qu'il dégage le joueur de hockey. Il dégage que c'est un joueur de hockey. Il sent la vieille poche. Il sent la vieille poche. Après ça, le bon Marc nous a parlé de Price. On écoute ce qu'il a dit sur Price. Écoute. À la Coupe du Monde, j'étais là. Ouais, puis. La première partie contre l'équipe d'Europe, on a pas bien joué le Canada. On a remporté la victoire. Carey Price, il était solide. Deuxième partie, encore moins bien joué. Carey Price fait des gros arrêts. Ouais. On remporte la game 2-1. Mmh. Sinon, une partie samedi. Fait que ça, t'en déduis que tu peux avoir les meilleurs attaquants au Canada, au monde, tu peux avoir les meilleurs défenseurs. Si t'as pas de gardien de but, t'as pas de chance. Mm. Tu n'as pas. Bon, c'est éprouvé. Alors, notre force, c'est Carey Price, c'est le meilleur gardien au monde. Canada, leur force, c'était quoi? C'était Carey Price. S'ils n'ont pas Carey Price jeudi, il y a une game samedi. Run est incroyable. YP. Tout le monde, il est comme... On dirait qu'il est comme blasé, ouais. YP. Ouais, on s'en calisse. Moi, j'étais là-bas, YP, Marc, on s'en calisse. YP, ouais, monde, c'est ça, YP. C'est tellement meilleur que les Olympiques, fuck. Ça, ça a été enregistré. Hashtag cette Renault. Cette entrevue-là, avant qu'on, qu'on apprenne que Price avait une grosse grippe d'homme, là. Ouais, Louis Willy, puis qu'il s'est allé se blesser. C'est correct, on comprend, c'est quoi, c'est dur une grippe d'homme. Ouais, mais ça laisse des blessés, c'est juste monétaire. Ça. Ouais, ouais, non, c'est plus une question d'assurance. De l'espace, avec de l'argent. C'est une question d'assurance salariale. C'est de la pacotille. Ben, le monde panique vite. Ah, c'est Montréal, tabarnak. C'est toute une bande de caves, ça. C'est bon. C'est vrai, là, mais pour de vrai, là, tout de suite, c'est comme. Putain, c'est son genou. Ah, mais Larac, il a dit que c'était son genou. Ah, lui, c'est un esthétique. Lui, il devrait commencer par fermer sa calisse de gueule, là, c'est-t-il. C'est même pas un expert. L'as-tu vu dans l'annonce de mise au jeu? Il est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il est rendu gras, man? Ah, ben oui. Fat-tu le tofu, man? How the fuck do you do that? Comment ça devient gros en mangeant de la luzerne? Il mange des chips aux légumes. Comment ça devient gros en mangeant de la luzerne? Il en mange trop. Il en mange trop, moi, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fond. C'est parce hein. qu'il n'y a pas les excréments qui se retrouvent dedans. Il mange pareil. Mmh. Ouais. Sur Facebook, on c'est entend ça, c'est plus nos... Jasmine nous a écrit que sur Facebook, on n'entend pas les extra audio. Je suis pas d'accord, là, mais en tout cas. Si c'est le cas, on s'excuse. On peut pas checker le problème technique en même temps qu'on fait le podcast, mais on voit les waves rentrer et on les entend, nous autres. Fait que... Ouais. C'est toi le problème. On s'excuse. Là. Mais voyons donc, il est fou, regarde lui. Là, après ça, Bergevin nous a parlé du bon Charles Ludon. Là, justement, là, il en a parlé tantôt. Il dit ah, que Jeff disait il est-tu prêt, il est-tu pas prêt. Là? Fait qu'on... C'est quel extrait numéro 4 on va le mettre, titre. T'es-tu d'accord avec moi qu'il devrait jouer dans la Ligue nationale à un moment donné, ce gars-là? Ben, jusqu'à maintenant, il ne m'a pas prouvé qu'il est prêt à jouer dans la Ligue nationale. OK. OK. Il y a encore là des choses qu'il faut que Charles faut qu'il travaille dessus. Puis on a parlé de conversation, une très bonne conversation. C'est un jeune joueur prometteur, oui. Mais regarde, puis moi j'expliquais à Charles, j'ai dit regarde Thomas Pécanet, sais-tu combien d'années que j'ai joué américaine? 3 années complètes. Comme le style de Tampa Bay et Détroit là, qui font ça. Thomas Pécanet, je pense qu'il a une belle carrière. Alors, c'est pas quand t'arrives, mais comment t'arrives. Fait que Thomas Plekanec a eu une belle carrière. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Ouais, attends, là, tu sais, une belle carrière. Une belle, belle carrière. C'est sa dernière année à Montréal. OK. Ouais, j'espère que oui. Ils sont il va jouer à Vegas. Combien d'années son contrat? Il reste, ben, dans le fond, il commence 2 ans. Ouais. Ben, l'année prochaine, je pense qu'il va être à Vegas. Moi, je pense pas qu'on va protéger, mais puis moi, je le prendrai. Je suis puis dernier, il va être autonome. Non, mais imagine, pour une équipe d'expansion, c'est un esti joueur à aller chercher. Ouais, c'est, un ben, c'est parfait, ça, Christian Capitaine. Non, là, mais... Peut-être pas, là, mais... Capitaine de Texas. Capitaine de Vegas. À Vegas, à Vegas. C'est comme la pire place que Plekanec pourrait être capitaine, c'est Vegas. C'est tellement pas. Il est tellement vanille. Check bien ça. Avec son col roulé, il fait 46. Check bien ça, on le protégera pas, puis ils le prendront pas. Là, je vais broyer. Combien de joueurs qu'on peut protéger, déjà? Je pense que c'est... C'est 12 ans, genre, 15? Ouais, avec 12, 13, me semble. Ouais. C'est pas encore déterminé, là. C'est pas chaque expansion, je pense. C'était pas. Non, mais il y en a beaucoup. C'est comme 9 joueurs où t'as tant d'attaquants, tant de défenseurs. Ouais, c'est ça. Ça marche par nombre de défenseurs. Ouais, je parlais de total. Je pense là, mais c'est 6 attaquants. C'est 4 un 4 nombre défenseurs. D'attaquants, un nombre de défenseurs. Puis des gardiens. Tu peux pas protéger beaucoup de joueurs. C'est plus que la moitié. C'est pour donner la chance à Vegas d'avoir des bons joueurs. C'est 9 sur 23. Non, non, c'est plus que ça. C'est 3 défenseurs, je pense, tu peux protéger. Il me semble que c'est plus que ça. En tout cas, ça sera à suivre. On va valider le tout. Prochain extrait, c'est le dernier extrait de Marc avec Ron. Ron demande à Marc c'est quoi son meilleur souvenir à date avec le CH. Le meilleur pour moi, jusqu'à date encore, c'est de me rendre avec l'équipe contre les Rangers en conférence quand Carey s'est blessé. On en dirait conférence, que ça. Tu mal. T'sais, je sais pas, c'était tellement proche, mais t'es tellement loin. Puis, tu sais, c'est dur y retourner. Tu sais, c'est pas facile. C'est une ligue qui est très compétitive, puis toutes les années, tu sais, moi j'ai dit tout le temps, ton premier but, c'est faire les séries. Que je finisse premier, deuxième, septième, c'est de rentrer. Mmh. Rentrer en santé, qui est très important aussi. Rentrer, puis rentrer en santé, c'est bien rentrer important. Rentrer en santé. J'ai les règles ici en passant. Oui, tu as deux choix. Tu as 7 forward, 3 D, puis un goaler. Bon, fait que c'est fait ça. Ça. Non, ça fait 11, right? Sinon, tu as un choix 8. Peu importe. Ça, si c'est si tu veux protéger 4 défenseurs, mettons. Si tu perds 3 que tu peux protéger si tu décides d'aller dans le format de 8 de n'importe quelle position. Ouais, sauf que tu as 30 teams dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je veux dire, ils prendront pas. Tu serais surpris comment que le monde va y aller avec les 8. C'est sûr qu'il y a un joueur par équipe qui devrait partir. Hein? Il y a un joueur par équipe de repartir. Il n'y a pas 30 joueurs, ils ne vont pas prendre 30 joueurs. Il avait raison, on n'était pas sur le bon feed audio. On s'excuse, depuis tantôt, vous n'avez pas le bon audio. Ça aurait été fun que quelqu'un nous dise que ça sonnait comme le cul sur Facebook depuis le début. On était sur le son de la webcam, qui est celle-là, en fait. On s'excuse à tout le monde. Vous écoutez le podcast. Là, c'est la faute à GF. C'est ma faute, j'ai fait ça trop vite. Fait qu'au début, on s'est vanté pour dire que le son était bon, puis c'était de la merde. C'est la fausse pub. Tabarnak. On va l'effacer, la vidéo, puis on va me remettre la vraie vidéo complet. Fuck y'all! Ouais. Je vais m'arranger pour que ça donne quelque chose de bon par après. Ben oui, je vais aller Worker magic. Je vais aller enlever le live après qui a été là, puis je vais me remettre la vidéo comme du monde sur Facebook. C'est ça. Voilà, vous n'aurez rien vu. On s'excuse pour les... On s'excuse pour les 3-4 personnes qui étaient live. Vous auriez dû nous dire d'avance, c'est tout. Bâton, mais c'est parce qu'ils écoutent tout ça sur leur cellulaire puis ça sonne le cul, fait qu'ils n'ont pas vu de différence. C'est ça. Mais là, c'est ça. Okay, on s'excuse, mais on va continuer les extra audio parce que ça marche pour le monde en podcast. Par contre, là, au moins, il fallait que ça arrive une fois puis qu'on le sache maintenant. Bergevin, deux autres extraits de Bergevin. Il va nous parler de chat. Oui, compétitivité, leadership, tu lead by example. Andrew Shaw, c'est un joueur qui joue avec la pace. Qui pousse la pace. Tu vois, il a fait, je pense récemment, Joel Quenneville avait des très bons commentaires sur Andrew Shaw qui vont lui manquer à Chicago, mais il était une position qu'il ne va pas le garder. C'est la même chose, c'est un gars qui est décisif, qui prend les décisions, qui bouge la rondelle, c'est un joueur physique, c'est un homme qui est respecté, pas seulement par ses coéquipiers, mais au travail avec coéquipiers. Ça change un peu l'identité de l'équipe. C'est de la grosse Quinn, ça. La grosse Quinn bien salée. Puis dernier extrait, Bergevin va nous parler de Dumont Radu pendant que je rote en parlant. C'est bon, ça. Pas mal plus confiant. Le risque était un peu différent, l'argent n'est pas pareil, le terme est pareil. Mais sans mettre Alex Semin autour du boss, là, l'éthique de travail déjà. Il a fait un commentaire aujourd'hui. Nous ici, on a deux habitudes pour pratiquer et pour jouer. Juste les patins qui se promènent. Quand on annonçait une nouvelle, ça me prend mon stock de game. Il a convaincu, mais parce que lui, il dit, moi, je pratique comme je joue. Dans sa tête, il faut qu'il soit top pour les pratiques. Puis c'est vrai que tu pratiques. Comme tu vas performer, puis c'est ça son attitude. Déjà là, tu vois que le gars, il... C'est cool, le couteau d'un dent. Le couteau entre les dents. Qu'il a dit qu'il veut... Il respire dans son mic, là. C'est toi, ça? Non, c'est Bergevin. C'est fatiguant. Et on peut... Tabarnak! Et fatiguant. C'est fatiguant, ça? Bergevin. C'est fun d'entendre. Ah, mais tu vois, ils sont pareils, est-ce lui, Pterien. Il respire dans le micro, est-ce que... Pterien, on dirait que tu as tout là... Tu la regardes, tu l'entends parler, tu as le goût de faire. Fais ça des fois, si. Claire ton gras de poulet. Ça donne l'impression des fois qu'il deep throat le mic, esti. Mais. Je suis vraiment déstabilisé par le fuck-up technique. Après avoir dit que notre son était super bon. Ça arrive, là. Hey, on sent ça. On s'en calisse, on va faire. C'est l'expérience, c'est le métier qui rentre. C'est le nouveau studio. C'est la faute. Mettons ça sur le dos de Retro Nouveau et de l'écran. C'est l'écran. Fait qu'il nous reste 4 extraits. Puis là, c'est rétro, c'est nouveau, c'est l'écran. 4 extraits. Petite jaune différente. Petite jaune. 4 extraits, toutes de Terrien, puis c'est merveilleux. Il va nous parler avec sa gorge et son gras de cou. Premièrement, il nous explique pourquoi il aime Shea Weber. Et un gars comme Shea Weber, pourquoi que les coachs l'aiment tous? C'est qu'il va prendre l'option A. Quand l'option A, elle va être là. Il ne passera pas de l'option D qui peut mettre son équipe dans le trouble. Il s'étouffe en disant tout. Mais il va... Un gars comme Shea Weber, pourquoi que les coachs l'aiment tous? L'aiment tous? L'aiment tous. Comme mis un F à tout. C'est trop de salive. On dirait qu'il dit tout, mais en même temps, il ouvre une orange, mais il pèse trop fort dans le centre, fait que ça fait genre... Là, tu y mets le petit vacuum du dentiste dans quoi, lui il serait écœurant bruiteur, man, mais ça, pour des sons gore. Pince les lèvres, le son que je te rentre un poignard dans le corps, là, ça ferait genre. Fait que on a ta prochaine carrière, mon cher Michel. Bruiteur, l'option D. Il va prendre l'option A. Il ira pas à l'option D. tabarnak, mon gars méchant. Fait que Subban a l'option D. Ouais, c'est vrai, ben c'est carrément ça. Ben ouais. Quand il partait tout seul, là, tu fais ça, c'est l'option ouais, ça. D. L'autre affaire qui va probablement que Jeff aime beaucoup, c'est sur l'affaire Villeneuve. Là. Les commentaires de Michel Villeneuve cet été par rapport aux commentaires justement que Terrien aurait dit sous dans un tournoi de golf, je sais pas trop, là, que ouais. T'aimes comme la marde son capitaine. Là. Fait qu'il va répondre à ça. Il y a des choses que je peux pas contrôler. Comme j'ai dit, là, je peux pas m'attarder à des Woodsy. Puis j'ai trouvé ça très dommage, cet épisode-là. Mais je te dirais que ces épisodes-là, ça resserre les liens. Encore beaucoup plus que le monde peut penser. Mais une chose certaine, j'ai toujours une bonne relation avec Patch. J'ai passé du temps avec lui en Floride cet été parce que lui aussi, sa place est là. On a eu l'occasion d'échanger, d'aller luncher ensemble, parler de sa nouvelle saison, comment est-ce qu'il trouvait ça être capitaine, toutes ces choses-là, dans un contexte qui est vraiment différent que ça cire dans mon bureau où des fois on rencontre des joueurs sur la route dans un lobby d'hôtel. J'aime ça faire ça quand l'opportunité se présente. Je l'ai fait avec lui, je l'ai fait avec Galchenyuk aussi. Et je sens un gars qui était très d'un l'expérience qu'il a eu pu connaître au championnat à Coupe du Monde. Il était comme soulagé de s'emmener avec sa gang de chums, son environnement. C'est un gars qui a besoin du support des gens. Je connais vraiment la personnalité, je connais la famille. Besoin et, du support des gens. Une chose est certaine, il tient à cœur les succès de l'équipe. Mais c'est pas un gars qui est démonstratif, mais ça veut pas dire qu'il prend pas ça à cœur. Mais c'est un gars qui veut le bien de son équipe. Puis lui, c'est très bien que si lui il performe, mais il va aider son équipe à remporter des matchs. Michel, c'est pénible. À la fin, on dirait. C'est un gars qui ovule bien. Moi, je retiens que c'est un gars qui a besoin du support. Il ovule bien. Il a besoin de l'approbation, en fait. Belle ovulation. Fait que lui, si le monde ne donne pas une petite tape dans le dos en disant « C'est bon, mon Max, c'est bien ça. » Mon Max, c'est un bon capitaine. Il va douter. Il est immo, tabarnak. Toi, t'es un enfant de riche, ça, Calis. Ouais, c'en est un. Il vient du Connecticut. C'est un italien. Non, c'est pas New York. Long Island, qui vient. Avoue que t'avais juste le goût de dire Connecticut. Connecticut. C'est Bensonhurst. Ouais, c'est un des enfants dans Bronxdale. Je suis au Delaware. Il nous reste deux petits extraits audio vraiment rapides. Ouais, go. Fait que, il va nous parler. C'est une conférence de prêche. Même moi, je parle mal. Conférence de prêche. Ça déteint sur c'est moi. Sur moi. C'est ça ou l'excellente tour du diable. C'est un des deux. Là. Il va nous parler de l'économie dans la conférence de presse. Ben, premièrement, une là. Une. Mon personnel que j'ai, là, je me sens vraiment privilégié. D'avoir à travailler avec ces gars-là. Je pense qu'on parle de ses adjoints, excusez-moi, je me trompe d'extrait. Tout le monde a ses responsabilités, on communique étroitement. Un gars comme Clément Jodoin, avec toute son expérience et toute sa passion, tu peux avoir de l'expérience, mais il vient un temps dans ta vie, peut-être que tu peux perdre une certaine passion, mais il n'en perd pas. Là. Dès que l'hockey est fini, là, je ne sais pas si vous ne le savez pas, vous le savez, mais il s'en va en New York. Vous essaie de venir avec des nouvelles méthodes, des nouvelles choses. Tu arrives au bureau, c'est toujours un des premiers par arriver, puis c'est toujours un des derniers. Donc, c'est un tabarnak, dans les années d'expérience qu'il a. Fait chier, pas de vie, quoi. Qu'est-ce qui est impressionnant avec Clément, c'est sa passion. Clément. Sa passion pour Clément travailler pas dans un groupe, avec une équipe de hockey, dans un groupe d'entraîneurs. Qu'est-ce que j'apprécie du groupe d'entraîneurs, c'est que. Il n'y a pas d'égo. Pas d'égo. Pas de golf à rien. Je donne beaucoup de latitude à mes gars. On travaille tous ensemble. On a toute une responsabilité tous les jours. Puis on s'en va. Et, on s'en va. C'est un groupe de gars qui communique très bien. Les pauvres gars, quand la journée est finie, on s'en va. C'est une responsabilité. Ouais, je me suis trompé. J'ai mis l'extrait qui finissait dans le fond de la période. Mais celui sur l'Econen, il est là. Mais pour une organisation de rentrer des gens, moi, je trouve ça sain. Ah, c'est sain de rentrer des gens dans l'organisation. Je trouve que c'est rafraîchissant. C'est sain et rafraîchissant de rentrer des gens. Même, il est démontré capable de jouer à cette position-là. Dans cette position-là. Capable de jouer à gauche, capable de jouer à droite. Il est rapide, il a des bonnes mains. Il a un sens du hockey qui est très bon. Son hockey IQ, là, quand il explique de quoi il comprend et il l'exécute. Donc... Il y a beaucoup de choses qu'il fait bien. Plus que le camp avançait, plus que le convoyait, qu'il retrouvait un peu la confiance en début de camp. Mais il travaillait fort, faisait beaucoup de bonnes choses. Il quand il a marqué un son premier but, on dirait qu'une petite pression qui a tombé. Une petite pression? Mais il a lâché la pression. On peut utiliser à différents aspects. Donc, on peut utiliser un désavantage numérique. C'est un gars qu'on peut utiliser un avantage numérique, capable de jouer son trio régulier. Donc, il a joué à deux, trois personnes. Il est quand même très jeune. Puis, seul. Moi, tant que coach, j'aime ça. Fait qu'il y a rien qui va mieux finir la période que ça. Fait qu'on s'en fait une pause pour vivre la troisième période. Coach, j'aime ça. On est retour pour la troisième période. Et avant de faire le tour de la NHL, Henri Ghetto est au balotage. Oh. On a ça aujourd'hui. Ouais, ben je pense pas qu'il va être réclamé parce que lui a un contrat garanti de la NHL. Jusqu'à midi. Tout le monde est à côté. Ouais, je pense pas que moi non plus. Mais qui a besoin de lui? Who cares? Whatever. Il est pas de vrai dans la dernière game. À moins quelqu'un croit en lui. Honnêtement, là, Henri Ghetto, là, j'ai passé à autre chose. C'est sûr, on s'ennuiera pas de lui. Ben non. Moi je pensais qu'il allait garder McCarron plus que lui. Mais moi, la dernière game, il était dégueulasse. La game préparatoire. McCarron, c'est Henri Ghetto. Ah, il n'y a pas de poise. Aucun poise. La pace, c'est. Et sur pas le... de pace. Son pace, c'est pas pace. Son pace, c'est pas pacing. Pas de pace, pas de poise, pas rien. Mais Karen, là, moi, je pense qu'à partir de l'année prochaine, là, ça pourrait être le gars qui pourrait remplacer Dernier sa troisième. Mais imagine. Okay. McCarron avec Shaw puis Daniel Carr, sa troisième ligne. McCarron, je le ferais. Je suis pas sûr que je le ferais commencer au centre. C'est une grosse responsabilité en partant, man. Faut ben, que tu ben, sois bon. Faut que tu sois bon en repli défensif. Être... Je pense pas que le coup de patin encore pour être là. Il a perdu. Il a gagné de la force. Puis, ouais, il était bon. Mettons, ben, il s'est amélioré. Un an ou deux, peut-être encore à toffer. C'est un genre de joueur que ça peut être très long à développer parce qu'il a comme un gabarit genre complètement différent. Ben, faudrait que ce soit vraiment concentré sur, mettons, ses jambes. Puis que ça pourrait être un bon futur joueur de troisième trio, mais moi, je le vois comme un centre de troisième trio. Je le vois pas starter l'année prochaine, ça centre. Faudrait qu'il y ait du bagage avant, genre à l'aile, pour se faire un peu comme au c'est au ça, j'ai hâte de voir, parce que dernière année, cette année. Le rip. Dernière année, imagine, mettons qu'on perd Plekanec. Puis que dernier, on leur signe pas, on a un trou, c'est la deuxième, c'est la troisième ligne, on sent. Il ne mettra pas sa deuxième. Non, je ne mettrai pas sa deuxième. Non, mais c'est sûr, mais ça va prendre des chars de centre. Mettons, tu mets McCarron, mettons que t'en perds deux, ça t'en prend un moins char minimum. Prends un char. Deux chars, allez voir GF. Prends un char dans le centre. Prends un petit char bleu. Nous payons vos trois premiers paiements pour les locations. OK. sur ce cheapless plug, on va aller faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Fait qu'autour de la ligne nationale, Sidney Crosby aurait subi une troisième commotion cérébrale. Ça va pas bien pour les petits Sidney. Third times the charm. Troisième comté. Genre. Et puis ça, c'est une bad luck en plus. C'est une en pratique. Ouais, mais là, on sait pas comment c'est passé. Mais... Ils ont pas voulu le dévoiler. Est-ce que c'est. Ben, ils font est-ce que... Moi, je pense que c'est Fleury. Crosby, c'est fini? Est-ce que Crosby devrait arrêter? Ben, je penserais pas, dans le fond. Je suis pas médecin, mais d'après moi, il a recommencé à patiner. C'est moi ici. I'm not a doctor, but I play one on TV. But I play one on la soirée du podcast. C'est ça, mais il a recommencé à patiner, puis tout ça. Il a pas joué au premier game, mais d'après moi, tu sais. Peut-être une semaine ou deux, il devrait revenir au jeu. Ah, mais c'est pas mal, ça se calcule plus long les commotions ça, ouais. Non plus. C'est des fois, ça veut prendre des mots. Tu sais que le petit Bournival, il est tout fucké ici encore. Il se fait cuire des steaks dans les machines panini. Ben ouais, il est encore dans le noir chez eux aussi, il est tout croche. Il n'a pas fait de la team à Tempa. Il n'a pas qu'à ouvrir les lumières. Ouais, il ne fera pas le team à Tempa, c'est sûr. C'est jamais. Il a été coupé. Il est commotionné. Non, c'est parce qu'il y a des commentaires de gens qui trouvaient que Bournival, c'est un joueur de NHL. Même chose pour Gabriel Dumont. Facile à dire quand tu es genre. Comment je pourrais dire? Des langues sales. Le poids? Ben non, c'est parce que c'est un. Non, mais une appartenance. Un francophone, fait qu'à Montréal, on va dire ça, on aurait aimé ça, le voir. C'est de l'appartenance. Puis, les fois qu'il était à Montréal, il était correct, le jeune. Ouais. Mais genre, c'est que je vois Montréal, ça dégringolait après. Depuis qu'il y a eu sa première commotion contre Buffalo. Ouais. Il était tout fucké. C'est et ça. Voilà. Il y avait beaucoup ça de. Ça a changé. De boys. C'est comme Dustin Hoffman dans Rain Man. Hashtag boys. Hashtag boys. Tu sais, là, sur le bord de la bande, ils se mettaient de dos. Pour se faire rentrer les dents dans la bande solide. C'est ça, ouais. Non, mais. Non, mais il y avait un certain talent. Prochain truc, ouais. On souhaite un prompt rétablissement au petit Sidney Crosby. On va suivre l'évolution de tout qu'on ça. Puisse te prendre non, dans je sais pas. Bonne chance à ceux qui l'ont pris à leur poule. Puis justement, attention les poolers pour le prochain sujet. Jack Eichel s'est blessé. Ouais. J'ai la vidéo de ça. La vidéo. Oh, moi, je l'ai pas vu. Moi, ça va être. Regarde bien ça. Ouais, ça a l'air vraiment d'être filmé par un vieux monon cochon dans les années 70. Ah, c'est ouais. vraiment weird l'angle. Même si c'est marqué 1080i dessus, tu sais, c'est. Un chasseur de roues. C'est... Puis là, hey, tu y vois la jambe qui plie pas dans le bon sens. Hey, pauvre petit gars. Hey, moi, j'aurais aimé ça avoir l'audio là-dessus. Il sort qu'il sort de douleur. Ben, on le voit qu'il sort de douleur. Je pense qu'il a peut-être perdu le souffle un petit peu. Ouais. Là. Mais, je pense qu'il a perdu sur le souffle. Là. Tu vois la façon que c'est. Ouais, le souffle est coupé là-dessus. Mais je vois. Attends, je peux tu dois être mal à l'aise. Genre, t'es à côté de lui. C'est genre, tu veux l'aider, non, mais tu sais pas quoi faire. J'ai pas le son. Attends, ça loupe. Mais regardez ça. Ses batteries étaient à moitié, en tout cas. On va le voir ici. Ouf. Clac! Hey man. Je vais essayer de le mettre à pause et je vais voir si je suis capable pendant. Et si bon, good luck. Ça sera pas évident. Avez-vous comment? On voit que la jambe, il plie pas du bon sens. Ça répète le genou et tout. Hein? C'est chanceux. Ils l'ont-tu dit, non? Là, c'est la cheville. Entorse à la cheville. Ça, ça fait mal. Ouais, mais Maurice Richard, il était correct. Ouais, mais là, c'est quoi? Pas Maurice Richard. Non, lui, c'est un roux. Là, c'est un roux, c'est pas pareil. Tu vois, tantôt, on a eu de la misère avec l'audio. Là, si on est rendu à l'expert, on fait des pauses dans le vidéo. Il a ce style-là, man, avec son collier de pur noisetier. Qui ça? Jack Eichel. Jack Eichel, ah, il est terrible. Jack. C'est vrai, man, il y a un petit collier de pur noisetier puis les cheveux frisés. Ça, c'est Seb, le pouvoir brutal, qui dit ça. C'est moi qui ai dit ça, puis il a posté une photo avec un petit collier, genre, bille de bois. C'est des affaires que tu sens en maternelle, genre, pour ta mère. Ta mère. Pour ta mère. Tu fais ça pour ta mère. En maternelle. On va travailler le jeune. T'as fait des colliers en bois pour ta mère en maternelle, toi? Ouais, on peut avec des nouilles. Des nouilles, mais oui, pas en bois, Calice! En bois, faut que tu perces le bois. Ça fait déjà fait, c'était des affaires rondes, on dirait des Cheerios, mais en bois, non? On est mangé une coupe, ça passe à moi, je me rappelle pas d'avoir fait ça en maternelle. Moi non plus. En fait, là, je vais être bien franc. Lui, était dans un sweatshop. En fait, je vais être bien franc avec toi, je me rappelle pas bien de ma maternelle, point. Moi, je me rappelle très bien. Jean 23 représente. Ben oui. Prochain sujet. Dans le temps de la prairie, by the beach. Neil Yakupov est changé aux Blues en retour de Zach Pachiro et un jeu conditionnel en 2017. C'est plein de Marge au Bolo parce que Marge est bandé, Neil Yakupov. Ben, ouais, c'est ça, parce que Marge est bandé. Marge, il a aimé ça le voir avec les Canadiens parce qu'ils ont eu, il y a eu une bonne run avec Galchenyuk. Ouais. Ça veut tellement rien dire dans les nationales. Mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de valeur que ça. Non, sa valeur est dégringolée en Estie. Il n'a jamais scoré 15 buts, ce gars-là, dans les nationales. Ça, je ne savais pas, par exemple, mais c'est vraiment grave pour un choix. Jamais scoré 15 buts. Honnêtement, premier choix repêchage. C'est un gars avec beaucoup de potentiel. Je pense qu'il y en a encore du potentiel, mais il va-tu genre se développer ce potentiel-là? Mais là, maintenant, c'est son âge. Terminé. C'est comme le. Comment on dit ça? Le retour au bercail. Le truc de la dernière chance. Là, ouais, l'affaire de la dernière chance. Fool me once, shame on. Fool me twice, shame on. Double down on the fuck you cards. C'est le truc de la dernière chance. C'est ça. On va voir ce que ça va donner, mais. Ça donnera rien. Il a scoré sa première game avec les Blues. Souban aussi a scoré aujourd'hui sa première game. C'est ça. Ici, il est pairé avec des gars qui ont de l'expérience. À date, il est sa troisième ligne. Je pense qu'il est sur le PP. On est around the NHL. On va en parler. Avez-vous vu le suit à Souban aujourd'hui arrivé à sa game? Ah, c'est dégueulasse. Les pantalons jaunes. Tabarnak de les Preds, c'est jaune. On dirait que c'est trop... Pendant la pause, j'ai regardé son but. Vous regardez? Non. Il score, puis il fait comme tourner vos serviettes, puis après, il fait son affaire d'arc. Là. Il est tout seul dans le milieu de la glace. Là. Les autres joueurs viennent leur rejoindre 15 minutes après. Il va te donner comme un petit show là-bas. Ben, non, mais regarde, écoute. Non, c'est correct pour eux autres. C'est correct parce qu'il va vendre le hockey là-bas. Pour ouais. Ouais, là-bas, ils vendent le hockey. Ici, on veut du vrai hockey. On veut la game. On veut pas le spectacle. C'est une réputation. Je suis déjà, ouais. Honnêtement, là, on va l'entendre. Je suis tanné. Il était habillé en Preds. Ouais, il a les couleurs de l'équipe. Il est devenu fucking fanatique. Montre-le sa cam. Mets-le de côté sa cam. Regardez comment c'est laid. Il y a l'air d'un gars, genre, qui s'est pissé dessus, genre, dans ses pantalons, puis que l'aréna, il a passé des pantalons sales qui appartenaient à Ronald McDonald, c'ti. On dirait qu'il a inversé ses couleurs de saut, que ses pantalons devraient être bleus, son jacket jaune. T'sais. Fait que c'est le gars dans le milieu, là. Ah, le reste, c'est des fans. C'est le plus foncé de la gang. dans une foule totalement blanche. The redneck. The redneck, ouais. Mais non, mais pour vrai, c'est malade parce que là, imagine, là, Halak. Price, le genre les fans. Ah, là, ça va pas arrêter de comparer Weber à Subban. le monde va être fatigué avec ça. Tu sais, à un moment donné, fucking jour, il y a un article dessus, man. Ah, on n'a pas parlé. Les journalistes, ils sont là-bas, c'est-tu. On n'a pas parlé tantôt de Weber, mais l'avez-vous aimé hier? Oh, ouais, il a fait ça. Quand il y avait un gars à genoux, puis il est arrivé, puis il a juste ramassé le gars devant lui. Weber, il a été Weber. Weber, il a fait ça à l'avant du net. Il a fait ça caché à Montoya. Il frappait, il joue bien, man. Tu as donné ton plus à Montoya tantôt, mais je pense qu'il y a une grosse partie à Weber qui va là-dedans parce qu'il protège. Lui, gars, il a fait sa job. Puis ouais, Montoya, il était le petit cran, tu sais. Je vous dis, ouais, oui, pas Weber, je m'attends. Mais Weber, il a joué comme Weber. Weber, c'est Weber. On a eu son tir, genre, bien, bien peinard qu'il a fait. Moi, j'espère qu'il pète une baie vitrée cette année. Ça va sûrement arriver. Pendant qu'on est là. Mais l'affaire de Weber, là. Sur le but de Gallagher. Sur le but de Gallagher, ouais. Weber, là, il aurait pu faire un slap shot de la mort. Là. Souvent, il aurait fait un slap shot, mais il a fait un tir du poignet. Puis d'après moi, c'était tout planifié, ça. Là. Ah, c'était tout planifié. Il a dit, je fais ça du poignet. Ben ouais, ben. Rush shot! Rush shot! Deflection, Galley! Non, mais l'expression. Tu penses qu'ils l'ont pratiqué, ça? Ils l'ont pratiqué plein de fois à date, c'est sûr. Ah, c'est sûr que tu le pratiques. La meilleure expression pour ça, c'est un bon joueur fait sa chance. C'était quand même ça. Il y a des garnottes qu'il a fait et tout. Chris, tes enfants rentrer sa bande en arrière. Asti, que ça fait. J'aurais fait « hit tabarnak ». Bon, on n'est pas gagné un autre piqué. Hey, ça vaut tellement plus. Non, mais tu vois tellement pas à pas. Hein? Yesti, on va tous venir quand il va scorer au Centre Bell quand on va y aller le 12 novembre. Je suis sûr qu'il va scorer. Moi, je vais crier comme une femme. Je viendrai pas, je vais être déjà là. Si vous êtes là le 12 novembre, venez pas nous voir, on va être chaud. Fait que, ouais, oubliez ça, je veux pas voir, je veux pas vous parler. On parle pas aux fans, on est là pour le hockey. Je suis même pas capable de parler. Non, c'est ça. On est là pour la bière et le hockey. Puis on dit qu'on est là pour le hockey. On va essayer de se souvenir du score. On est là pour not so much. On est là. On est là. On est là. On est là. On est tous là. Pas nécessairement, mais on est là. On est là. On est là. Le corps est là. Le corps est là. Physiquement, on est là. C'est comme 6 gros pichets au Pill Pop, après ça, King Can par période. Fait qu'on peut prendre des photos s'il y a des fans, mais on ne parlera pas. Fuck! Fuck! Pis fuck! On peut prendre des photos. Moi, Malette, on a une photo avec Youpi l'année passée. Oui, c'est vrai. Puis on n'a pas des photos aussi avec les préposés. Les préposés. Les filles en arpène. Les filles Bud Light. J'aime comment tu dis les filles Coors Light. Les Call Girls. Les filles Coors Light. Excusez. Les Coors Light Girls. Les Coors Light Girls. Prochain sujet. Hey, prochain sujet. Ça, ça va vous. Faut jouer mon extrait un petit peu avant de le faire. Il y a René Bourque qui aurait signé un contrat d'un an avec l'Avalanche. Yes. Dans le cas de René... C'est spécial pareil. Ils ont signé un autre Bourque en même temps. Oh, ouais. Gabriel Bourque. Gabriel Bourque. Mais c'est pas son frère. Hey, c'est comme un package deal. Ouais, deux Bourques pour le prix d'un. ça veut dire que René Bourque, dans son genre, ça a été Air Bourque. Ouais. Comme moi, j'ai pas compris ce que ça dit. C'est ça. J'ai pas compris ce que ça dit. Son chandail, ça va être Air Bourque. L'autre, ça va être J Bourque. Mais lui, avec, c'est la dernière chance. Je peux pas croire qu'il est encore dans la NHL, lui-là. Honnêtement, dans le cas de René, là. Faut-tu être dans la merde pour repêcher René comme joueur? Dans le cas de René... Il ira d'une part, lui. Il va chier dans les coins. C'est un gars qui va... Ça va être un Scott Gomez. Puis à un moment donné, il va prendre sa retraite puis il va aller jouer. Il va commenter à NHL. Il va aller habiter au lac la biche. Il va commenter à TV. Imagine, Chris Gomez, il le fait. Il est capable. Non, everybody can do it. La gazelle de lac la biche, calice. C'est peut-être le seul qui vient d'être là qui joue au hockey. Hein? C'est le seul qui vient d'être là qui joue au hockey. Oui, Chris. Lui, il a appris à jouer sur une glace, esti. Moi, je prédis 10 buts pour pas. Entre deux gazelles. Y a-tu du Saint-Indien? Moi, je suis Indien. Malade, 10 buts pour pas avec le Avalanche. Moi, je prédis. En 30 games. C'était pas ta meilleure, ça. En 30 games. Moi, j'en ai un autre. Je prédis qu'il fait pas 10 games avec l'Avalanche. Oh! Ouais, mais l'Avalanche, genre, sont un petit peu dans. C'est trop. Il y a trop une grosse. C'est bien, c'est bien. C'est comme une renaissance pour eux autres. Patrick Roy est parti. Ils ont engagé un coach no-name. Ouais, je sais pas. Je sais pas, ça va être bon pour l'Avalanche. On se fait un playoff pour ça. C'est qui le nouveau coach de l'Avalanche? Je le connais même pas. Un gars qui vient de la. Oh, c'est encore la Saint-Gabrielienne. Il coachait Marley. Je pensais que t'en as dit. Il vient de Saint-Gabriel. Les Marley. Je sais, les gars, qui est le nouveau coach de l'Avalanche. Et sa bonne réponse est on s'en calisse. C'est tellement vrai. Ouais, c'est ça. It's funny because it's true. Premier sujet, c'est GF qui a mis un genre de deux sujets en un. Il y a Connor McDavid qui est devenu le capitaine des Oilers. McDavid. Le plus jeune, je pense, capitaine de l'histoire de la NHL. Oh fucking way. C'est qui le plus jeune d'abord? Non. Je sais pas. Moi, je suis juste un mec. Crosby. Okay. T'as fait parler? Non, Crosby, j'ai aucun. Genre de, mettons, une couple de centaines de jours, là. Ouais, non. C'est vrai, je pense que je l'ai lu aussi cette affaire-là. Ah, okay. Il est plus jeune de quelques cent jours. Bon, à cette heure, il lit. Les GF se mettent ensemble. Non, mais je l'ai vu. Parce que GF m'envoie ses affaires pour que je lise ça quand je fais caca. Lui, il prend le temps, par exemple, déjà avant de suivre. C'est comme les balais d'anglais. Je coupe mais GF, t'as aussi mis que les Panthers, pendant ce temps-là, ont choisi Derek McKenzie comme. Ouais, puis c'était un scandale en Floride parce que tout le monde voyait Aaron Ekblad être capitaine. Scandale! Les 20 fans capotent! Hey, ça, c'est comme si on aurait nommé Tory Mitchell capitaine. Eh non! Ben, Derek McKenzie, tu connaissais ça avant qu'il soit nommé capitaine? Ben oui. Pour vrai? Ben oui. Le gars, c'est un gars de 3-4e trio. Réponse, les Panthers, ils ont fait des moves louches là, depuis qu'on Delta. Ouais. Mais tu sais, depuis que Delta Lynn, il a pris le bord, les Panthers, ils ont fait des affaires louches. Là. Lui, il a le nom d'une marque de char, genre. Lui, dans le fond, c'est lui qui avait comme bâti un peu le club de Chicago là, quand ils ont gagné la première Coupe cette année. Ils l'ont collé ici dehors parce que il y a comme une date limite pour signer tes joueurs avant qu'ils deviennent agents libres avec restriction. Oui. Il a oublié de fixer ses contrats aussi à NHL. Il était trop tard. Chris Verstig à l'époque avec un autre joueur. Je pense que c'était Andrew Ladd, l'autre joueur. Prochain sujet. Ah ben. C'était peut-être trop technique. Les Sabres de Buffalo veulent la tête de Brian Gianta, ça a l'air. Je comprends rien là-dessus. Ouais. Ouais, pourquoi? Parce qu'il est capitaine. Il est capitaine. Puis à Buffalo, il voit Jack Eichel capitaine. Fait que là, il dit ouais, tu es Gianta ou pas de la merde. Il a tout ça de merde. En français. Ouais, Fait que là, ils veulent tout avoir Jack Eichel comme capitaine parce qu'ils trouvent que leur capitaine ne valait pas de la merde. C'est drôle parce que dans le fond, tu vois, on panique sur Pacioretty. Le petit roux un peu noisetier. Ouais, ben c'est comme le joueur de concession maintenant. Ils veulent faire le Crosby, ça. Le gars qui s'est cassé la frimeur. Ils sont bandés. Il va peut-être l'être l'année prochaine parce que Gianta, c'est sa dernière année de contrat. Il va probablement prendre sa retraite après. Jack Eichel, là. Ouais, pour de vrai, c'est un mauvais choix, je pense. Du coup, je connais pas le kid, là, mais. Jack Eichel. Si t'as le choix entre Brian Gianta, qui est un capitaine, qui était capitaine dans. Les fans sont émotifs. Des Leafs. Il n'y en a pas, je pense. Ok, ils attendent que Matthews fasse une année. J'ai un autre 4 buts. Ben, encore là, ils vont nommer un capitaine de 18-19 ans. Hein? Ils ont fait 4 assistants comme le Canadien. C'est pas grave, ils vont le faire. L'année prochaine, ça va être Matthews. Parce que ça a l'air que genre le gars, là, il parle, puis il est super calme. Là. C'est un Crosby. C'est un Price. Ouais, mais c'est comme un mélange de Crosby puis Price, peut-être. Tu sais, comme super calme, il te parle, puis t'as l'impression de parler à un gars genre qui a comme 30-40 ans. Là. Ouais, mais même après son quatrième but, il était comme tout comme OK. Ouais, puis il s'est blâmé pour la défaite. Tu sais, ça, c'est un peu. Ben, c'est un capitaine. Non, il met le blâme sur lui parce que Price, il met le blâme sur lui quand il est 15 ans. Tu fais 4 buts puis tu te blâmes la défaite, c'est un petit peu too much. Mais c'est son erreur à la fin. Ouais, entre autres, à force, c'est lui qui a coûté le match. Là. Ouais. Ouais. Ouais, non, je comprends le... Ouais. Je pense pas que. Tu sais, Don Toretta, il l'a rengalé devant tout le monde. Tortorettini? Don Toretta! Don Toretta! Ça, c'est Toretto, tu veux dire? Non, mais Tortorella, il aurait rengalé sûrement Matthews. Il faisait tabarnak, est-ce-tu? Tabarnak, Tortellini. Ça me fait penser, dans le fond, je sais pas si tu me permets, JF, mais j'aurais une question à poser vas-y, vous autres. Mettons qu'on aurait, genre pour le fun, un pool de coach. Lequel que vous pensez qui va se faire mettre dehors en premier? Cette année. Quel entraîneur pourrait perdre sa job le premier cette année? On parlait de Tortorella, moi j'irais avec lui. Il coach à Vancouver. Columbus. Ils ont perdu 6-3. Ils menaient 3-0 hier, puis ils ont perdu 6-3. Oui. Je me rappelais pas qu'il coachait encore dans la Ligue nationale. Pour le reste, Tortellini. Parce que je dirais Vancouver qui vont finir dernier, je pense, dans l'Ouest. C'est qui mais... le coach? Willie Desjardins. Ouais, mais je pense pas qu'on va se faire mettre. Non, mais je pense pas qu'on va se faire mettre dehors. Tabarnak! C'est un gars qui coachait genre le club école de. Asti Willie Desjardins! Ouais. Asti, ça vient des îles de la Madeleine, ça? Je sais pas, je pense qu'il est canadien. Un gars de la Gaspésie, ça. Ça, c'est il parle pas français. Il vient. Asti, il doit venir du Nouveau-Brunswick. Il y a une stage des années 80. Là. La faute à Willie. Saint John. Oui, Desjardins, j'avoue que ça serait peut-être une affaire, mais ben, Vancouver. C'est le punk que je sais pas parce qu'il est trop tôt dans la saison. Puis... Non, ben, je sais qu'à la mise au jeu, je disais c'était rien. Là. C'est lui qui est le coté le plus. Bon, ça, je suis pas sûr parce que oui, c'est vrai qu'il y a une saison de marde, mais je pense pas que Terrien va perdre sa job cette année. Là. Ah non. Mais, à moins qu'il perde vraiment en tabarnak. Là, parce que Bergevin, l'année passée, Bergevin ne pouvait pas dire qu'il avait fait sa job. Cette année, il a donné tous les outils, puis Price est là. C'est catastrophique. Sauf que les fêtes, c'est ça. L'année passée, ça n'aurait pas été honnête à Bergevin de mettre Terrien dehors. Cette année, il dit OK, là, j'ai fait tous les moves. Là, c'est à toi. Puis si, là, il pourrait le mettre dehors et dire « J'ai fait ma job. Ouais, » cette année, il n'y a rien qui peut retenir de... Mais c'est parce que dans le fond... Je t'ai donné les outils. Là. Fait que là, ça va être ta faute. Puis le monde panique parce qu'il veut avoir Hartley ou Roy pour remplacer Terrien. Pas sûr que c'est mieux. Ah, mais pour demain, on les voit-tu vraiment? Hartley, OK. Roy, non. Ouais, mais clairement ça, pas. Je ne prendrai pas Roy comme coach. Je suis pas prêt à le prendre. The case is closed. Fait que moi, dans le fond... Moi, Hartley, je le prendrais plus. Il est trop... Je pense que ça peut être un... Roy, là, c'est pas... À Montréal? Roy à Montréal. Honnêtement, mais partout, aussi. Ce gars-là peut être un carré. Mais il va être capable de travailler avec... Il va démolir une carrière d'un talent, man. C'est ça, mais il va-tu capable d'être avec la chimie pas. Que Bergevin a créée avec non. Toutes ses... Non, ses... il veut tout le temps le contrôle. Ah, il veut le contrôle. Ben, c'est il ça, veut fait, avoir son lui, droit. Lui, ça y prend une concession qui est à terre puis qui décide de les donner comme DG. Les Nordiques de Québec. DG slash coach. Ben, il va aller genre avec les Bandits de Vegas. Là. C'est comment qu'il s'appelle le team? Les Knights. Je sais pas c'est quoi, c'est-tu les Black Knights? Ouais, quelque chose en même temps. Il aurait dû s'appeler les gens les Aces. Avant que je porte attention à une concession. Les Aces, c'est bon, mon vrai. Hein? Les Aces, ça serait un bon nom. Spades. Ça serait des beaux noms. Le cas qui rentre, c'est les Spades. Aces, Spades. Ça serait que. Ça aurait été fou, ça. Je pense qu'il vient probablement pas payer. Parce que le chandail n'est pas sorti encore, c'est pas quoi ça a l'air. Ça aurait été fou, ça, des Aces of Spades. Ace of Spades. Ils pourraient mettre la toune, man, ce serait que. Prochain, oui, tout du marketing, ça. Ouais, allô? Ouais. Allô? Qui s'occupe de ça là-bas? On veut ça, savoir, on veut des réponses. C'est George McPhee. Bon. George McPhee. Je pas là, avec sa moustache. La fausse à George McPhee. C'était beau. Lui. Prochain sujet, Bruce Boudreau. Ouais. Alex a lu son livre. Ouais, j'ai lu son livre. Il a joué dans Slapshot. Bruce Boudreau? Ouais, il est arrivé un drame. Déjà fini, il est arrivé un drame avec Bruce Boudreau. Il a perdu, il s'est fait voler en fait son coffre-fort en déménageant au Minnesota. Tu sais, on est sûr qu'il n'y a pas une bague de la Coupe Stanley. Non, mais il y avait des bagues de la Coupe Memorial. Non, mais il y avait des affaires vraiment importantes là-dedans, dont un Spider-Man. Amazing Spider-Man édition numéro 1. Ah oui, c'est il est fait ça. Voler, mais oh, ouais, wow. Ouais, mais écoute, qu'est-ce une page complète dans le Journal de Montréal pour parler de ça. Oh, mais moi j'ai le droit à y proposer à Bruce par exemple. Okay. Bruce, si tu viens sur la soirée du podcast, je t'offre ce Amazing Spider-Man 700 qui est le dernier de la série. Ah ouais, Bruce, c'est un bon trade le 1 contre le 700 là. Ah ouais, le premier contre le dernier. Ah ouais, donc là. Ouais. Pongley. Oui, meurt à la fin. Bruce. Il meurt à la fin. C'est qui meurt à la fin? Peter! Doc Ock, il prend son corps et il transfère son esprit parce qu'il est malade. En tout cas, c'est malade, complètement fou. Qu'est-ce que j'ai pas vu ça? Pas c'est même pas c'est qui Dan Slott, est-ce de faux geek? Toi, le reste à ton DC Universe. Ouais. On n'est pas à Josette, par exemple. C'est une c'était juste pour plugger Amazing Spider-Man. Fait que, ouais, Bruce. C'était pas pour plugger, mais c'était pour plugger que t'avais l'épisode, ouais, le numéro 7. Ça vaut rien, ça. Ça vient de sortir, ça fait comme une coupe de. Attends. Faut savoir que t'étais. Il me reste deux petits trucs. Puis c'est des anciens du CH d'ailleurs. Pierre Parenteau, yes. Fait le club avec les Islanders. Se fait le club des Islanders. Ouais, j'ai fait une erreur. Non, il a été retranché. Ouais, il a été retranché. Il a été retranché puis il a été repêché. Attends un peu, j'aime mieux. Arrête de dire pêché. J'aime mieux ta version, mais. T'arrêtes pas de dire pêché. Pierre Parenteau se fait le club des Islanders. C'est ça que j'ai fait. Il se l'est fait au complet. Il se l'est tapé, moi. Au complet! Mon café n'était pas fini quand j'ai écrit ça, là. Mais. Non, mais j'ai vu qu'il a dit à ses enfants de mettre. De brûler ses chandails. Les t-shirts des Islanders aux poubelles. Pour vrai? Chris, il a commencé sa carrière avec eux autres. Ouais, mais il était tellement à Chris, man. Il s'est dit, j'ai dit aux enfants, jetez-les aux poubelles. P.A. Parenteau se fait le club des Islanders, man. C'est vraiment ça. C'est excellent, ça. C'est ça qui était écrit. C'est merveilleux, man. C'est une blague. Dans le fond, là, c'est bon parce que c'est comme une genre de métaphore. Dans le fond, il les a tous enculés, esti. So gay. So gay. P.A. Parenteau. Mais moi, pour moi, c'est fini après cette année. Là, c'est la retraite. Je vous encule, c'est un connard. Allez tous vous faire foutre. Fuck y'all. Puis il y a un autre pour qui, d'après moi, c'est terminé. Là, Brendan Prost ne fait pas l'équipe des Leafs. C'est fini. Mais l'affaire, le pire dans tout ça, c'est que Mike Babcock, il a dit à Prost. Bad cock. Tu fais pas le team, mais tu vas pratiquer avec nous autres. Comme si tu faisais partie du team, mais tu seras pas payé. Il a accepté. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il va pratiquer avec le team. Fait qu'à un moment donné, si Babcock le regarde et il dit OK. Il y a de la grit. On va te donner un contrat et tu vas jouer. Il est plus proche de Marie-Pierre, c'est ça son nom? Ouais Marie-Pierre. Il est plus proche d'elle. Gars, il a fait ses millions. Non, mais il faut vraiment avoir rien à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais, pour le vrai. Tu le ferais-tu, toi, à sa place? Qu'est-ce que tu veux? Il devient analyste? Présentement, le dude. Mais il a raison un peu. Présentement, il n'y a pas besoin d'argent d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de se faire donner de l'argent par genre une compagnie qui dit genre, je te veux comme analyste. Vraiment, il y a pas besoin de ça. Il peut être 6 mois sans salaire. Je pense que ce gars-là, je dis ça de même, je pense qu'il a encore la passion pour le sport. Puis il est monté. Je suis plus proche d'être dans la Ligue nationale en pratiquant avec un team que si je m'en vais à analyste. Parce que si je m'en vais à analyste, c'est fini. Il n'ira pas en Europe si il perd sa blonde. Pourquoi il fait pas ses preuves dans la Ligue américaine à la place? Ouais, il les a fait l'année passée. D'autres, vraiment, tu veux faire du boss. Il y a l'année américaine l'année passée. Quel âge? Quel âge? Ouais, il est rendu à 30 que. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. Il a fini la saison dans la Ligue américaine. Ben, il a joué en slap shot. Ben, je sais pas, mais moi, je vois rire. Mettons, si on est rendu au mois d'avril, Pross pratique encore qu'il lise, mais il a jamais signé le contrat. Après, je te dirais, après les fêtes, là, s'il n'a pas joué une game, il va commencer à penser à peut-être faire d'autres choses. Parce qu'il faut qu'il signe aussi, là. Il va faire autre chose. Job. Il y a de la gueule. Mais mettons qu'il se pète la gueule en pratique là, parce qu'il a oublié. Il a tombé ou je sais pas quoi. C'est pas grave, là. Ça. Hey, man, il passe. Attends, joueur. Il va passer à ça. Puis il joue pas au hockey anyway. Même s'il se pèterait la gueule. Oui, c'est sûr qu'il y a une gueule de Pretty Boy. Il va se retrouver une job à télé. Il va faire des émissions de recettes. C'est sûr que les livres, c'est sûr. Il sera pas analyste, mais il va faire des émissions de merde au Canal Vie, genre. Il parle même pas français, Calis. Ouais, mais il doit un Canal Vie à Toronto. Lifetime 2. Comme Jericho. On s'égare encore. On est en transition entre deux podcasts en ce moment. Switch vers la jasette. Ouais. Mais ouais, c'était le tour de mes sujets. À moi qui voulais parler d'Austin Matthews, puis ses 4 buts. Il est pas prêt, le jeune, mais pas moi. Ouais, il joue sa troisième ligne en plus. Hein? Il joue sa troisième ligne. Ouais. Ben, ça va changer. Ça. Mais les livres, c'est pas pareil. Kadri va prendre le bord. Moi, je pense que c'est Kadri. Parce que Bozak, je l'aime mieux que Kadri. Kadri, j'ai jamais aimé, man. C'est temporaire, c'est la troisième. C'est pas froissé. Kadri, là, sérieux, c'est probablement le joueur que j'ai. C'est un call-out. T'as même pas fait de l'autre. On finit. Non, mais les call-outs sont en fin de match maintenant, en fin de podcast. Jeff, t'as un call, on va mettre le thème des call-outs. Ah, mais toi. J'étais même pas prêt. Dans le fond, là, toi, là, tu fais un call-out à la fin de même. C'est comme si, mettons, un joueur, après une game, va genre geler un autre joueur. Ouais. C'est comme, Chris, pénalité, puis genre suspension, là. T'es pas là prochain match. Ouais, mais mettons qu'il reste une minute avant la fin de la game, puis c'est moi qui fais. Ouais, ben, c'est vrai, ça a sonné tantôt. Ouais, mais on est encore en podcast, on n'est pas après. Ouais. On est après. Les trois périodes sont finies. Ouais, mais après ça, Jeff, il va dire de la merde dans la cuisine, puis ça compte pas. Ça c'est exclusive shit. Non, c'est correct, il peut le faire, là. C'est-tu mieux là ou t'as mieux? Tu passes en dessous du fil. Ouais, pas. Ok, c'est dangereux. Ça pourrait être dangereux, je préfère le garder. Dave tient la bière. Dave, il y a le réflexe. Parfait, on y va. Piqué Souban. Tu me fais. Toi, là, t'es pas aux hommes ni aux femmes. T'es tatoué, est-ce que aux hommes. Comme Jean-Jacques dans Crossing Bar, tabarnak. On doit dans toutes les pubs de Bridgestone. de Pizza Boston, est-ce que de tabarnak. De Bridgestone! Attends, c'est pour toi qui as dit ça? Il est rendu dans les annonces de Bridgestone. Hey, t'es partout, tabarnak. Est-ce que vient de partir puis on l'a plus d'en face que jamais? Non, mais il est pire que Chanel parce que t'arrêtes pas de parler contre le Canadien de Montréal. Coco. Le joueur le plus palantueux, là, c'est Falberg. Il est palantueux. Il parle comme de rien. Le gars que t'as joué le plus dans ta carrière, là, qui est le plus talentueux que t'as jamais vu de toute ta vie, là. Ben, c'est Forsberg, est-ce que. Hey, Subban, t'es pire qu'une femme, est-ce que, qui vient de se faire domper là par son chum. Ferme ta gueule, tabarnak. Ton style, il est lait en esti. Des animaux morts, là. Tu pas ça sur le dos, Chris. The Revenant, c'était un film, Chris. C'était pas la vraie vie, tabarnak. Là, un moment donné, il va falloir que tu réalises une chose. Nous autres, là, on est des fans de hockey. On n'est pas des fans de Subban. Je sais que toi, t'es un cock blocker, puis t'aimes ça faire chier le monde. Puis quand les jeunes veulent prendre des photos de toi, esti, pour avoir des autographes, tu t'en calisses, t'es envoies chier, esti. Puis ça te prend tes crises de bande à côté de toi, esti, pour les tasser, tabarnak. T'as pas de cœur, tabarnak. Ton idée de l'hôpital, c'était même pas toi, esti. C'était ton agent parce que tu l'as sauvé de l'argent par les impôts, parce que t'es un esti d'imbécile. Ton père, il a honte de toi, esti. Parce que tu t'es fait colisser dehors des Canadiens de Montréal. C'est un grand fan. T'es comme un kid qui a fait une gaffe dans un collège privé, puis fait colisser dehors, esti. Alors, reviens-en. Tes pantalons jaunes, t'as l'air d'un Lego, calisse. En plus, tes cheveux sont pareils, tabarnak. T'as juste à les enlever, puis on voit un petit point sur le dessus. Puis t'es toujours sur Instagram en train de poser les affaires quand tu t'entraînes, esti. C'est juste un set que tu fais. T'es-tu fatigué après? Bon, moi donc, tout le set, esti. Fais donc comme The Rock, tabarnak. Mais non, Subban, t'es pas capable de te faire ma gueule. Mais moi, te le dis, moi, ferme donc ta calisse de gueule. Je te souhaite une bonne saison, là. Mais je veux plus rien savoir de toi. La coupe Stanley, oui, là, moi, la seule coupe que tu vas boire quand tu vas voir la coupe Stanley, esti, là, j'ai un blanc de mémoire. J'ai perdu ma joke. Fuck you, esti, Piqué Souban. Je suis plus capable de toi. Je suis plus capable Souban de Souban. T'as cassé, c'est une coupe de rosée que tu vas boire, esti, tellement que t'es ton style de clown de Fresh Prince of Bel-Air avec ses petites bouffes fluorescents, là. Hey, don't dish Fresh Prince of Bel-Air. Non, mais il me fait honte. Arrête. Tu l'aimes encore, là. Je l'aime pas encore, Piqué. Arrête. Pourquoi t'es rendu un Piqué hater? Oui, je suis rendu un Piqué hater. Parce que là, je vois qui que tu es. Mais là, JF, ce sera ton seul call-out sur Piqué de l'année. À moins que il blesse Price, genre, t'as le droit de leur call-out. Mais là, on passe à là, autre chose. Moi, il fait passer, genre, tu sais, on tourne la page. On la tourne, la calisse de page, sur Subban Sacrament. Il fait passer un gars qui vient se faire laisser par une fille, mais il l'aime encore, mais tu sais, il l'envoie chier. Ouais, il est fâché. Il fait de la reverse psychology. Non, c'est toi. C'est comme s'il t'avait brisé le cœur. Il t'a brisé le cœur. Non, tellement pas. Ben oui, Chris, apparaît, ça se sentait dans ta voix. Tu shakais. Tu shakais un petit peu, t'avais le trémolo. J'avais soif. T'avais le trémolo, t'avais le cœur brisé. Subban t'a brisé le cœur, comme le Canadien t'a brisé le cœur l'année passée. Oui, mais oui. Piqué. Mais je te comprends. Mais c'est correct parce que tu vas faire ton deuil, puis après ça, tu vas vraiment... Tu vas dire, c'est un bon joueur, mais... Je suis content de m'en avoir débarrassé. On ça ne fitait pas avec le Canadien. Ça marchait pas. JF va être comme le Phoenix, il va renaître de ses cendres. Ah, c'est ça, j'ai oublié de dire de piquer Subban. C'est pas le couteau qui a des dents, Chris, c'est le dos de son coach, puis il l'a appelé la Violette. C'est ça, je voulais dire. Une chance que tu ne l'as pas dit, finalement. C'est mieux de même. La Violette, okay. Il ne coach pas. Il coach Nashville, la Violette. Peter, la Violette. Ah, oui, c'est vrai. Chris, moi, je t'ai dépassé, mon gars. La Violette. C'est où qu'il était avant? Il était avec les Flyers. C'est ouais, ça, je t'ai encore pris la balle. Tout encore Caroline. Il a gagné la Coupe avec Caroline. Il a gagné la Coupe. Lui, il pensait où que la Caroline. Moi, j'étais encore avec la Caroline. Ouais, il a gagné la Coupe. En 2003. Il a gagné la Coupe avec Caroline. Ouais, quand ils nous ont battu en première ronde. L'attaque avec Star, il était respectable. Le temps qu'ils ont enlevé Gerber, ils ont mis Cam Ward, puis ils ont battu la Caroline. Ça s'en va-tu quelque part, ça? Cette année, non. Non. Ça reste en Caroline. Et voilà. non, mais c'est pas dans le sens de déménagement. Déménage pas. Non, je pense pas. Non, mais si tu dis ça allait faire les playoffs, genre. Non, je parle. On a défoncé en tabarnak. Ouais, la part des filles, mais c'est JF avec son call-out défonce tout. Ouais. Si t'aurais. Ouais, mes parents aussi, d'après moi, il en a défoncé une coupe. Ouais. Ah, lui, il s'est tapé les Islanders. Il s'est tapé les Islanders. Il s'est fait les Islanders au complet. Au complet. That's dirty. Au complet. Ça. Il faudrait que je te le montre, c'est dans l'affaire de ah oui, le oui, Seigneur Frodo, des Anneaux. Oui, Frodo, hein. Au complet. C'est ça. En tout cas, fait qu'on termine là-dessus. L'Internet, ça. C'est sur YouTube. Là. Checker le Seigneur des Anneaux là, avec traduction québécoise par-dessus. Puis il dit qu'il se fait des queues de 8 pouces, là, puis de 9 pouces. Là, puis allez voir. T'as mets-tu dans ta bouche? Au complet! Avec Frodo, puis Sam Weasley. Ouais, c'est ça. Ouais, Sam Ganji. Ganji. C'est ça son nom, pour vrai? Ouais, Sam Wise. Tout ce que je sais, c'est que c'était le guide qui était hey, dans bon. OK. On n'a pas qu'à okay. On n'est pas genre de titre. Allez dans Geek Fest, Lord of the Rings, le calice. Ouais, gazo le Geek Fest. Fuck Lord of the Rings. On vous rappelle de venir nous voir au Geek Fest le 5 octobre prochain dès 15h10. Ouais, venez donc, là, qu'on ait du fun. 15h10. On est puis, là. Ouais, puis c'est 45 15 minutes. 15h10! Puis j'espère qu'on va encore avoir le bartender qui va pouvoir nous emmener des biens. Ouais, j'espère que le bar Nexus. Que ce soit le ou. Un autre, on s'en ouais. Calisse. Mais gars, venez donc qu'on est comme 4, 5. Mais attends, on va s'arranger pour amener du monde. On va péter à la place. On va amener notre crowd, là. On va faire un round. On va amener nos femmes, nos amis. Sachez aussi que s'il n'y a pas le... J'ai amené mon gars. S'il n'y a pas le bar Nexus, il n'y a pas de bière, ben on va avoir tous des bouteilles de coke très louches sur la table. Ah, moi, c'est sûr, je me saoule la gueule. Vous allez tous avoir mangé du McDo ce jour-là. On mange du McDo. Fait 45 minutes. Je t'expliquerai ça plus tard. 45 minutes, pour on va essayer de boire plus de bière que l'année passée en 55 quoi, minutes. Toi, là, là? OK. Voilà. Ah, merci. Fait que suivez-nous sur Facebook et Twitter, La Soirée du Podcast. Puis sinon, on se retrouve dans deux semaines. Hein? Sur Facebook avec un audio qui fonctionne dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.